ça roule. Il y avait des fêtes forts. Ouais. Si je vous donnerais un super power, là, vous autres, là, est-ce que vous allez commencer à tuer du monde ou vous allez commencer à faire des affaires cool? Pensez-y bien. Un super power? Moi, ouais. Je serais totalement corrompu. Ça commencerait par des blagues, puis ça finirait, genre, parce que je ferais un meurtre en blague, là, je serais comme, oh shit, j'ai tué quelqu'un. Bon, ben, tant qu'à ça, moi, continuer, genre, puis je vais faire d'autres affaires gratuites, genre. Bon, ben, ouvrez-vous une bière. Ah! Ben, Chris. Allons-y. Débouchez-vous une bonne bière? Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est ça la table, ce coup-là. Ah, oh, ben, gars. Êtes-vous sponsored par Corona, vous autres? Non. Ça s'en vient, par exemple. Vous devriez vous appeler, hein, sérieux, faites beaucoup de publicité. Pour un podcast audio, on sait pas qu'est-ce qu'on boit. En passant, on boit de la Corona. Corona, on vous boit. On vous boit. La paix publicité, un peu, genre. Je crois qu'on va bien voir les limes, par exemple. C'est très important. Ça, là, il y a l'air d'un boobs. Ben, parle de soccer. Je parlais pas soccer, je connais rien là-dedans. Le gars, le Ronaldo, là. On fait ça un segment soccer? Ou l'autre, là, le noir, genre italien, là, Bartolini, même. Je sais pas, moi, quand tu dis Ronaldo, je pense toujours au gars de McDonald's, mais genre version mexicaine. Je le vois comme pareil, mais comme les cheveux noirs, genre, pis une grosse moustache. C'est comme un cross de genre Mario pis Ronald McDonald, le Ronaldo. Pour la troisième fois dans notre histoire, l'Allemagne s'est fait arrêter de conquérir le monde. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 11 de La Jazette propulsé par Young Media, édition du 8 juillet 2012. Huître. Des huîtres. Et Jean-François Cromp, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à JF Cromp. Avec moi au micro, David Thibodeau, bonjour. Ben salut. Hey, tout le monde, ça fait différent, on est de jour aujourd'hui pour un podcast. Ouais, ben on est en après-midi. David qu'on peut rejoindre sur Twitter également, à Mr. Underscore. Ben, qu'est-ce que c'est 5h? Ben, coudonc! C'est l'heure du super député pour les vieux, là. Faudrait bien qu'on commence... Non, ils ont déjà supé, il est 5h. Dave, qu'on peut rejoindre sur Twitter. Oui. Mr. Miniwee. Mr. MR underscore Miniwee. Et aujourd'hui, on a un invité avec nous autres. On a un invité. Ce beau studio. Oui. Guillaume. Hello. Guillaume qui revient. Ecclesio sur Twitter. Ouais, toi. Ouais. J'aime bien ton hublot. On dirait qu'on est vraiment en haut. C'est vrai, ça donne une impression d'auteur. C'est vrai. On pourrait mettre des sous. On vogue pas. Quelqu'un qui a des jumelles, genre qui passent en avion, il peut peut-être nous voir. C'est assez private comme studio. On a également un suceur de lime, mais ça, on n'en parlera pas. C'est pas moi le suceur de lime. Hey, on peut rejoindre la Jazette sur Twitter aussi. Oh oui. Twitter, la Jazette. On est sur facebook.com, la Jazette. Allez-y, moi, ils me répondent. Ben oui, mais on répond à tout le monde. Venez nous écrire. On veut vos commentaires. Justement, on veut vous dire qu'on répond. On est là. Ouais, on est présent. Bon, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, David. Oui. On avait pas un petit concours, mais une petite demande au public qui se continue. Un appel au public. On veut avoir vos suggestions de noms pour nos podcasts La Jazette Hockey. Oui. Qui se feront au mois d'octobre. Cet automne. Toi, tu m'en La Jazette Hockey. Donc, on a eu des bonnes suggestions. On en a eu une nouvelle. Oui, de Martin Hull. Martin Hull. On peut suivre à Martin Hull. Qui nous écoute en faisant du trucking. Ouais. Ben, je pense que oui, man. C'est ça qu'il a dit? Ben, moi, je pense que oui, man. Lui, il start ses podcasts, man, puis il passe ça, il fait de la route. En tout cas, lui, il nous a suggéré « On jase dans le net ». Ouais, « On jase dans le net ». Fait qu'une autre, une autre suggestion qui s'ajoute. C'est bon qu'il y a comme deux twists là-dedans. Ben ouais. On jase, puis la jasette, puis net, on net. Est sur Internet, dans le fond du net. On est de même. On est sur le net. on est disponible sur les intertubes. Ouais. Bleu. Et Google Plus. Oui. Hey. On essaye. Tu m'as volé mon mon Google Plus. Cette semaine, l'invité a raison. Ouais. Ben, sur ce, commençons la jasette. Fait qu'on y va. Quoi de neuf, les gars? Quoi de neuf? Hey, quoi de neuf? Hey, moi, j'étais supposé d'aller faire du bateau en fin de semaine. Ouais. Bien, je suis pas allé. Un karma de merde, puis c'est pas arrivé. Non. Puis la seule raison pourquoi qu'on n'était pas supposé d'y aller, c'est s'il n'y avait pas de beau temps. Puis finalement, c'est même pas ça qui nous empêchait d'y aller. Il faisait beau, tu sais. Faisait-tu beau dans ton coin? Bah, c'était nuageux, mais il faisait beau quand même. Bon. Fait que, qu'est-ce que c'est une astie? Qu'est-ce que c'est une... Est-ce que tu as écouté le Soccer David? Non. Et là, finalement, enfin, les faux fans vont arrêter de genre clamer haut et fort qu'ils veulent que telle équipe gagne. Là. Ouais, les faux fans qui prennent juste pour leur pays. Ben, même ou, pas, les même. Les faux fans point. Tu es un fan de soccer, toi? Ah, moi j'aime bien ça. Bon, OK, on a assez parlé. Fait que la jasette, quoi de neuf? Je te dirais que je suis allé au festival de jazz. Festival de jazz. De jazz. OK, jazz. Jav? C'est ça, j'ai compris. Java. Du café. Non, festival. Fait que même, toi, tu vas comme ça, freestyle au festival de jazz? Vendredi, je suis allé faire un tour, là. Voir. Ouais? Ouais, je t'ai jamais allé. Moi non, je suis jamais allé là. T'as eu une petite terrasse SAQ, là, puis bu du vino. Clairement. T'es allé voir ça. Ouais, c'est qui jouait? Je sais pas. Il venait de l'Ontario, c'est bon? Ben, c'est honnêtement, là, du jazz, ouais, c'est bon parce que ça s'écoute n'importe où. Puis c'est pas fatigant, tout est basé sur le jazz. Le rock'n'roll, c'est basé sur le jazz. Tout vient un peu des coulisses du jazz, en réalité, là. Pour vrai. Côté musical, là. Je sais pas, moi, je me connais vraiment pas en musique. Moi non. Ça me donne vraiment le goût de baiser. Bah, tu vois, mais ça peut donner le goût de faire bien des affaires parce qu'on est allé voir. C'est la base puis le mot baiser. Ouais, mais la base, c'est loud, tu sais. Donne un groove, ça te met dedans, genre, après ça, t'es comme, ouais, je. T'aurais le goût de donner 2-3 coups. Je me sens hein. Comme un gars qui serait capable de cruiser ce soir. Là, tu cales genre 5 autres bières, puis là, t'es dedans. Puis là, tu dis, on va me coucher finalement. Mais là, finalement, on boit de la bière en ce moment, puis on n'écoute pas de jazz. Non. Puis une chance, parce qu'on est juste des gars. Ouais. Oui. Exactement ça. Ben, et toi, Guillaume, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi de ce temps-ci? Pas grand-chose, là. Non. Hier, je mangeais un panini. Steak and cheese. C'était bon. Great. Great. Mm-hmm. C'était excellent. Parle de ça, pas grand-chose, là. Travaille fort, puis... Ouais, il y avait le UFC hier, c'était cool. Ouais, c'était bon. Le pognier, pas écouté. Ouais, c'était le plus gros... Le match le plus anticipé de l'histoire de la UFC, ben, c'est comme ça qu'il l'annonçait. Est-ce que le match live to the expectation? Vous direz que oui, c'est un très bon match dans deux rounds. Silva gagné par KO. Deux rounds? Ah ouais? Ouais, un gros KO en un plus. Gros knockout, ben, un bon stoppage. T'étais surpris? Non. Moi, j'aurais mis mon argent sur Silva tant qu'à mettre de l'argent. Puis Ortiz. Ortiz, va-t'en. Il compte comment c'était qui l'autre? C'était. Il rentrait avec un masque de gladiateur comme si vraiment, genre, dans les 5 dernières années, là, c'était vraiment le gladiateur de la place. Non. Là, je le respecte un minimum parce que tant qu'à moi, n'importe qui va rentrer il dans cette ring-là et qui fait juste un match, mais c'est sûr que t'as des coups énormes pour faire ça. Parce que même moi. Même si je serais en top physique forme, jamais je serais capable d'avoir les gars de rentrer dans un ring pour faire casser la gueule de même, là, oublie ça. Là. Ouais, c'est hey, ça fout la chaîne, tu vois les gars qui sont là-dessus. Là. Débile. Hey, à ce temps, il y a des TRT, testostérone, thérapie, des affaires comme ça, des excuses dans le fond pour se pomper de stéroïdes puis tout. Tu penses vraiment que je vais aller mettre la vie en danger pour faire casser la gueule là-bas? Là, son prime et raide, eux autres. Là. Malgré que c'est le fun à regarder, hein, maudit. Un beau pestacle. Ah ouais. Ben, les gladiateurs sont de retour. C'est carrément ça, là, la UFC. Là. Ouais, mais dans 5-10 ans, là, ils vont commencer tranquillement. Là, ils vont leur donner des knuckles là, avec des métals. Puis plus tard, ils vont leur donner des épées. Ouais. Dans 50 ans, on va revenir comme des limbs qui vont revoler dans le crowd. Puis ah, j'ai pogné une jambe. Ouais. Ça va finir, ils vont être à moto avec des gens de gros chaînes en métal. Puis ils vont se fouiller ça, ils vont se péter à gueule. Ouais, c'est comme dans le jeu Road Rash. Là. Ouais. Peut-être ça. Je sais pas. Ouais, tout pour faire plaisir à la foule. Là. De Bret Hart qui donnait ses lunettes, mais dans 50 ans, du monde vont donner des membres. Tiens, voici un bras. Là, toujours l'enfant là, avec l'autiste là, qui a les lunettes de Bret Hart. Ah, c'est le meilleur moment de toutes ses entrées. Ça, c'est classique. Tout le monde a vu ça, je pense. Le Make-A-Wish Kid. Là. Tellement pas correct. Ça part bien. Tu le vois, il est là, puis il donne, puis en tout cas. Ben oui. Moi, j'ai écouté le tennis, pardon. Ouais? Ouais, Wimbledon. T'es un fan de tennis? Ouais, j'aime ça, moi, le tennis. T'es intense. Hein? Ouais, bien ça, le tennis. Ouais. J'écoute ça. Ouais. Moi, je comprends le sport en tant que tel, mais c'est sûr, genre, Comme Wimbledon, là, c'est-tu terre battue ou terre régulière? Ça, c'est gazon. Fait que ça, c'est Federer, c'est le numéro 1 mondial d'habitude, ça? Ben, tu vois, c'est lui qui a gagné cette année. Puis non, l'année passée, sérieusement, c'est je pense, l'année passée, c'est qui l'a gagné? C'est-tu Nadal ou Djokovic? Parce que ça, moi, c'est les deux noms que je connais, c'est Nadal, Federer, puis on dirait qu'ils sont toujours en train d'être un contre l'autre, dans le fond, dans les finales. Mais là, il y a Djokovic là, qui est comme numéro 1 mondial, mais là, Federer en gagnant, il a repris le numéro 1 mondial, il n'était pas numéro 1 mondial depuis 2010. Ce tournoi-là, Wimbledon, Nadal, il a perdu au deuxième tour? Ouais, il a perdu comme super vite. Okay. Puis ça, c'est moi, mes deux joueurs préférés, c'est pas mal Nadal puis Federer. Ah, de ce que j'ai vu, parce que c'est ça Djokovic, c'est un super bon joueur, mais je sais pas, j'admets pas vraiment le personnage. Ouais, puis Murray, c'est comme le British, fait qu'il a comme pas gagné Wimbledon. C'est aujourd'hui, ça, Federer, Murray. Ouais, puis il a perdu Murray, puis là, c'est comme ça fait une couple d'années qu'il gagne pas. Ah, ça a déjà fait le match? Ouais, c'est fait, c'est Federer qui a gagné. Puis, j'étais bien content parce qu'il est revenu numéro 1 mondial à 30 ans. C'est super cool. Là, lui, il est comme plus vieux que quasiment tous ces joueurs-là, dans le fond. Là. Mais c'est à Wimbledon. C'est comme classique. Là. C'est le petit tournoi british. C'est comme classique. Ils sont habillés en blanc. Tous les joueurs sont obligés d'être en blanc. Ah, c'est une règle pour le tournoi, ça? Oui, oui. Tu regarderas tous les tournois c'est d'habitude. C'est comme un party de Puff Daddy. C'est ça, mais ils sont en blanc, genre. Puis là, c'est le petit tournoi, genre, ils ont tous des petites cravates, là, mon gars. Ceux qui travaillent, là, des petits nœuds papillons. Tu sais, c'est comme classy british en péteux de brou là, tu sais, je trouve ça a quelque chose. T'as pas le choix d'être classy quand t'as une dentition aussi pourrie que ça là. faut que tu mettes quoi pour te rehausser là dedans les british là, ils l'ont le classy. Ils ont pas le choix là. Faut check la face de la reine, sérieux. Faut que t'en mettes des bijoux, des robes. Check la face de la reine. Plus besoin de la checker. On l'a sur toutes nos estis de dollars qu'on a dans nos scènes. Tous nos dollars qu'on veut avoir, man, on a la face de la reine. On a pas besoin de l'avoir. Tu peux avoir un poster de la reine Gatos. Sérieux? Ouais. Moi, je vais le faire framer. Fais-les laminer. Je vais mettre la famille royale. Quand je faisais Jeff et compagnie, Samy avait essayé de le faire, mais c'est parce qu'il était en déménagement, il n'avait pas pu l'avoir, mais il m'avait dit que tu pouvais effectivement avoir un poster de la reine gratuitement. Je sais pas, par Post Canada. Là, c'est... Mais tabarnak. Je me demande si t'en regardes croche, tu demandes un poster de George W. Bush. Est-ce que ben... tu dis merci pour le premier poster? T'en as-tu un de George W. Bush? Non! Mais on en a d'Obama. Ben, ils ont sûrement pas de poster de ça à Post Canada. Post Canada, c'est un poster de la reine, c'est tout ce qu'ils veulent te donner. Hey, la reine. Quoi? Pourquoi? Mais les madames sont cool qui travaillent pour Post Canada. Les madames? Ouais. Je trouve qu'on dirait vraiment qu'ils sont là parce qu'ils ont rien à faire. Genre. Ils n'ont pas l'air de là pour travailler. Ils n'ont pas l'air là comme. Ils sont là juste pour, on dirait, comme passer du temps. Quand la dame est au comptoir, il y a une personne. C'est le purgatoire. Elle va continuer à signer ses petits papiers puis tout, faire semblant qu'elle t'a pas vu. Mais elle t'a vu, là, madame. Là, là après ça, tu t'en vas là. Tu veux juste une lettre avec un teint. Tu veux juste une lettre avec un teint. Non, mais elle a fait semblant qu'elle t'a pas vu. Puis elle continue, puis elle continue. Ou encore pire, s'il y a une madame avant toi, ben là, elle va commencer à y parler de sa vie. Ah, puis comment vont tes enfants? Ben non, mais t'es à Post Canada, là, donne-lui son thème puis qu'elle sac son cœur. Ouais, mais ça, il y en a partout, là, dans tous les jobs. Là. Non, même moi, à ma job. Des billets de loterie, c'est ça que tu veux faire. Même moi, à ma job, il y a une partie que c'est du support à la clientèle, puis il y a des clients qui appellent. Là. Ah oui, ça, j'adore. Puis tu sais, c'est comme. Des fois, là, ils disent, ils commencent à te parler de leur vie, puis tout le reste. Ah, comme... c'était fou. Là. Ok. Surtout, là. Puis, j'ai travaillé avec toi pendant un bout, puis je l'ai fait, puis je nommerai pas comme la compagnie, mais ça. Non, non. C'est quelque chose qui dessert l'Internet, mettons, en région. On va arrêter là. Vidéotron. Non, c'était pas ça du tout, là, mais il y avait du monde qui tapait, puis c'était des fermiers, là, puis ils jasaient ça. Là, puis, ah, puis faut que je te revienne, là, m'aller rebooter le modem et sur mon toit de ma grange. Le moderne. Le moderne et sur le toit de la grange. Mais faut que j'aille tourner ma lanterne. Puis là, ils te radotent ça, puis ils appellent, puis ils ont rien à faire. Là, ah, ben, en tout cas. Comme dire à quelqu'un de fermer les fenêtres, il se lève pour fermer les fenêtres. Le problème dans les hôpitaux aussi, présentement, d'attente, là, c'est le monde qui n'a rien à foutre et qui s'en vont attendre à l'hôpital toute la journée. Il y a plein de monde qui font juste ça. Ouais. C'est vrai, là. Ah ouais. Hey, Chris, quand ton enfant, il court partout dans l'urgence, il n'est pas malade, on retourne chez vous, là, qu'est-ce que tu fais? S'il tousse un peu, là, ben, amène-les pas à l'urgence, là. Ça me dit du Tempra, là. Même si tu le vois courir de même, là, c'est clair qu'il n'est pas malade, là. S'il touche. C'est quoi? C'est toi, dans le fond, qui avait besoin d'une journée de congé. Fait que t'es allé attendre à l'urgence. Fait que tu te dis, mon gars, il est manade. Lire un bon livre et renverser un jus sur le plancher. C'est une bonne tisane. Ouais. Fait ça un humidificateur puis une nuit de sommeil. Ouais, ouais, man. Il va bien dormir, le jeune. Ben, le bon vieux temps, c'était de même que ça marchait. Une mouche de moutarde, man. Si tu mets de la moutarde ça, dans le. C'est ramène à tout, une mouche de moutarde. Hey, ramène à tout. Si il met une mouche de moutarde sur le bord du chest. Et tout de suite. Enlève ta ceinture, snap-la deux fois. Tu vas voir le look dans sa face va changer de malade. Je veux aller à l'école. Ah, c'est ça. Ah. Cool. Des bons conseils à la Josette. Mais hein, des bons conseils. Child abusing. Mais avec tout ça, JF, là, toi, à quoi de neuf? Hey, je suis 7T. Des 7T? Mais mon condo est fini de 7T, là, pas mal. Là. C'est fait bien. Que la production a recommencé de Young cette semaine. C'est bien. T'as les tournées rétro nouveau. Bien, bien. Rétro nouveau, c'était des petits bouts de vidéos que tu vas faire là, ouais, bientôt. 5 critiques de jeux vidéo. 3 de jeux récents et 3 de rétro. 2 de rétro plutôt. 2 de rétro. C'est quoi qu'ils ont fait cette semaine? Ben entre autres, il y a Walking Dead épisode 2, Bruno a reviewé ça. Oui. Il a bien aimé ça. Guillaume, je sais que j'ai vu que t'avais une complaint sur c'est juste un côté technique en tant que tel. C'est que tant qu'à moi, je trouve ça abasourdant. Abasourdant. C'est un mot, ça, abasourdant? Ben, c'est presque un mot. Je suis abasourdi. Oui, ça, c'est bon. D'accord, on va y aller avec la deuxième version. Celle qui est bien accordée. Je trouve ça incroyable qu'en 2012, tu vas créer des jeux, mais que tu donnes pas l'option aux gamers de switch la caméra, les contrôles verticaux. Oh, ok, ouais. C'est hallucinant. Inverted, c'est comme si j'ignore que depuis dans tout ce temps-là, il y a genre 40% de la population qui joue comme ça. Ouais, ouais. Je dis pas que exemple faut absolument que c'est que un est meilleur que l'autre là, c'est juste donner l'option en tant que tel. Non, encore non, une ça, fois je suis d'accord. Avec des jeux comme ça, c'est tu vois vraiment comme je vous dirais vraiment pas la supériorité, mais que pour un affaire que la Xbox est meilleur que PlayStation. Au Xbox, tous les joueurs ont pas ce problème là parce que tu peux le changer sur la Xbox. OK, c'est un contrôle dans la machine. Ah, OK, tu peux le faire, il va le faire sur tous les jeux que tu vas jouer. Ah. PlayStation te laisse pas faire ça, malheureux là, mais ah. J'en pleure pas non plus, là. Je suis pas handicapé, là. C'est sûr que je suis capable de m'adapter, puis c'est pas un jeu que j'ai vraiment besoin d'avoir des réflexes incroyables, mais c'est juste... Ouais, c'est ça, c'est un moi, jeu plus story. Moi, je me suis dit, j'ai pas la première épisode, je me suis dit, c'est la première fois, le jeu est quand même cool, bon essai, mais quand je vois qu'épisode 2 est pas encore là, je suis comme, ok, t'es sérieux, là, change pas ça, là. Mais ouais, c'est cool, là, tu chopes du monde, puis... Des histoires funky. Là. Bah, tu sais, un jeu que tu chopes du monde, ça a tout le temps... Ben ouais, ça. Un sinon, petit appealing. Dom, dans les jeux rétro, il a fait un review au NES d'un jeu qui s'appelle Xexiz. X-E-X-Y-Z. Parle de quoi ça? Je sais pas, t'écouteras la chronique. Un jeu de cartes? Non, c'est comme plein de petites mini-games. Je vais falloir que je monte parce que quand je filme, j'écoute pas nécessairement ce qu'ils disent. Fait que j'entends les bruits, ben je peux t'es concentré sur à ce que tu fais. Que ouais. Filme, ben, c'est normal. Comme un directeur de porn. Il est concentré à ce qu'il fait? Ouais, il est pas concentré à ce qu'il fait. Non. Il check juste comme si c'était un porn. Ouais. Il est comme ça. Il aime ça. On coupe-tu? Oui. attendez. Yeah, puis, ok. Il a aussi fait le review de genre Mario Pinball Land au Super Game Boy. Là. Ah, wow. Puis Bruno, dans les autres jeux, il y avait Gravity Rush qui a fait un review. Gravity Rush? Je sais pas trop c'est quoi, j'ai pas vu c'est quoi. Puis Gunman Clive. Gunman Clive. Un jeu qui est disponible sur Android et puis iPhone. Ouais, je pense ouais. Pas, il va le pogner. Ouais. C'est un petit side-scroller dans le fond. Il a vraiment adoré. Puis c'est un genre de Mega Man à la ouais. Sauce western. Là. Ouais, c'est vraiment. Vraiment, vraiment bien le, fait, look, le look est cool. C'est écœurant. Pour 2$, ça vaut la peine, mais c'est pas pour les débutants ce jeu-là, par exemple. Moi je l'ai mis à normal. C'est il y a quoi dur. Easy, normal, puis hard. Je l'ai mis à normal, puis je rush ma vie. Là. Mais il y a aussi Mega Man, c'est au tough, contrôle. Aussi, ça, c'est une affaire qui me gosse un peu. Ça prend un les contrôles sur un touchscreen, là. Ouais, ouais. Un genre de faux joystick sur ton touchscreen, t'as pas le, tu files pas ton joystick. Fait ouais. Que tu perds, ton doigt perd où ce que t'es un moment donné. Mais ta là. Région est petite aussi, fait que tu pèses en haut, mais tu peux accrocher un peu, puis ça va peser en bas à la place ou en arrière. Des fois, là, j'ai le problème que je tiens mon joystick, je suis correct, là, mais si, genre, mon bonhomme, quand je me penche, il se penche, mais en se tournant vers la gauche. Fait ouais. Que là, je tire le gun avant de moi, mais vers en arrière. Fait que là, ça marche comme pas, mon histoire. Ouais, c'est ça. Juste parce que je suis pas comme aligné correct. Puis en plus, t'as l'option que le joystick comme suit ton doigt un peu, là. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Ça facilite un peu, mais ça... Ça aide un peu. Je l'ai essayé sans pour voir si j'étais meilleur. Puis finalement, je rush ma vie. Mais... Je pense qu'il se vend une affaire que tu peux avoir un genre de un pad Adam, externe, là. Sinon, boutons, sur là. Android, ce qui est pas pire, c'est là, ceux qui ont des Xperia, là. Ouais, ceux-là qui ont un slider puis ouais. Ont un joystick en dessous là. Okay. Ça doit être pas pire là. Ça c'est le téléphone de PlayStation ça? De Sony ouais. Ouais c'est ça. Mais sinon tu files pas le joystick là, tu sais c'est ça qui est plate un peu. Mais sinon le jeu est le incroyable. Jeu, c'est ça, c'est les dur boss à la Mega sont hot. Moi je suis rendu au troisième tableau là. Ouais ça je suis rendu à voir à la fin du deuxième. Mais c'est vraiment à la Mega Man, c'est des patterns tu sais de blocs qui apparaissent qui disparaissent pour que tu sautes dessus. Ouais c'est ça. Au bon moment puis les boss sont des patterns qu'il faut que tu comprennes, mais des fois, ils sont pas tout le temps... Il y a un genre d'effet 3D dans le dessin, ouais, comme quand tu bouges, c'est ça change. C'est dans le sable, c'est tout comme... Ouais, brun, ouais, le look a l'air d'une affiche Most Wanted, là. Ah ouais, comme exactement des ça. Années là, de, du exactement Far West, ça. Là. Mais animé, avec un genre de grain qui se promène. C'est ça. Je sais pas, le dernier jeu qui ressemble à ça, moi, on dirait que j'ai joué, c'est, je pense que c'est Outland au PlayStation. Ah, j'ai pas joué à ça. Outland? Ouais, Outland, cool, c'est ça. Dessiné style 3D un peu. Avec les deux couleurs. Là, ouais, puis, ouais, ouais. C'était cool, ça, comme jeu. Ça, mais anyway, Astor, là, tu sais, t'as cordonné ce sujet, là. C'est assez cool, les jeux d'arcade qui sortent de n'importe quelle plateforme, Astor. Tu sais, on voit vraiment que t'as qu'est-ce pas besoin de dépenser des millions pour mettre tout ça en 3D et puis avoir. Petits jeux, un... tu veux dire? Les genres de jeux 2D un peu. T'sais, ouais, t'sais, on techniquement, tu prends des petites parties puis tu mets ça avec, au top, tu sais, exemple. Il y a comme un engouement pour ça, l'on dit. Tu pognes un soundtrack kick-ass. Ouais. Tu te pognes une histoire kick-ass ou un gameplay kick-ass. T'es pas obligé d'investir 100 000 $ dans tout le reste de ton jeu. Tu pognes juste un élément puis développe à fond cet élément-là. Tu joues à Shank? Shank? Shank? Non. C'est cool, Shank, man. Ouais? Ouais, moi, Shank, je trouve ça vraiment cool. C'est un side Shank scroller. Comme un Shank en prison, là? Oh, Shank. Un Shank, S-H-A-N-K. Ouais, ok, c'est ça. Okay. Puis le gars, c'est un... Un pic à glace, là. Peut-être, mais c'est le nom du jeu. Un Shank en prison. Un pic à glace. Un Shank, me semble, c'est un pic à glace. Ça se peut, mais c'est le nom. Mais c'est le nom du gars. C'est le nom du héros du jeu. Puis là, en tout cas, dans le premier, genre, il se bat contre des lutteurs ou je sais pas trop quoi. Genre, ben, en tout cas, c'est cool en crise comme histoire. J'ai juste joué aux démos, mais je sais pas pourquoi je me l'ai pas pris depuis ce temps-là. Là. Okay. Ils sont rendus aux deux. Puis j'ai comme. J'arrive pas à me dire, faut que je me l'achète, mais parce que le problème, c'est que je joue pas assez. Fait qu'on dirait, je vais m'en aller, j'oublie. Genre. Mais là, en plus, ce qui est le fun avec les plateformes bon, comme iOS. Puis... Essaye ça, Shank. Les trucs, les jeux d'Android, là. Tout le monde peut développer ça chez eux. Fait que c'est les talents. Il y a du monde qui ont du talent en maudit. Ça laisse la place à beaucoup de créativité parce qu'à ce temps, le monde ne sont pas restreints à la plateforme Nintendo ou la plateforme Genesis. Ou... Non, c'est ça. T'sais, à ce temps, ils ont la plateforme PC, ils ont la plateforme Mac, ils ont la plateforme iPhone en tant que tel. T'as Game Love qui est spécialisé dans les jeux. En plus, souvent, le monde indépendant peut aller vraiment faire ce qu'ils veulent. T'as pas une compagnie derrière de toi qui va dire quoi faire ou. Non, c'est clair. Ouais, non, c'est ça. Mais à cet exemple, c'est pas vraiment. Je trouve que ce qui est bon dans les jeux, c'est pas de suivre nécessairement la franchise en tant que telle que t'aimes, mais plus te fier plus à c'est quel développeur qui a fait. Ouais, souvent, c'est les. Tu sais, exemple, les gars de. C'est quoi, c'est-tu Naughty Dog, ceux qui font Uncharted? Oui. Ouais. Ah, ils sont fous, eux autres. Ben là, ils vont sortir un autre jeu, là. The Last of Us. Non? Ouais, je pense que c'est ça. The Last of Us. Oh, ça a l'air, écœurant. Puis, sérieusement, j'ai vu du gameplay. Ouais. C'est Uncharted. Là. Ouais. Je suis sûr qu'ils ont pris le même engine. Quel franchise de jeu incroyable. C'est comme si. J'ai pas fait le dernier. Hey, imagine-tu si. Non, je vais attendre, mais je suis en vacances. Ah, ben fais ça. Pensez-y de même. Il aurait fait. On va dire qu'Indiana Jones serait sorti dans les mêmes temps qu'Uncharted, mais d'après moi, Uncharted, ça serait Indiana Jones le jeu. Ouais. Parce qu'ils sont trop pareils. Genre, c'est comme le même gars, genre, on dirait. Ouais. Non, c'est le storyline est bonne. Tout le jeu d'acting est bon, man. Ouais. Mais c'est Nathan Fillion qui fait Nathan Drake, là. OK. Puis lui, c'est un gars qui jouait dans Firefly ou je sais pas quoi, là. Ben, il fait beaucoup de voix de voice animated. Il fait beaucoup de voice aussi over, le Green Lantern First Flight. Ben, c'est lui qui fait la voix. C'est pas lui qui fait le je pense films de Justice League, mouvement. C'est lui qui fait le Green Lantern d'habitude. Non, il fait beaucoup de films animés, lui. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est un film. Tu joues à ça, puis c'est comme t'es en plein milieu d'une séquence vidéo puis là t'as comme let's go mon gars, ça start. C'est fou comme jeu ça. Ouais. Si t'as jamais joué puis tu le fais la première fois là, wow, c'est cool parce que c'est des nouveaux concepts quand même. Ouais. C'est vraiment nice. Puis encore comme les vieux concepts qu'ils ramènent, comme tu sais là, comme je disais à JF, je suis en retard là, vraiment là-dessus là, mais là je suis en train de jouer à Civilization 5 là. Ça j'ai jamais trippé par exemple. Ouais, c'est n'importe quoi comme jeu. Les heures à passer que tu te rends même pas compte de passer 6 heures là. Ouais, j'ai jamais trippé sur Civilization. T'as joué la même game depuis une semaine. Genre. T'as-tu fini Diablo finalement? Ouais, genre 3-4 fois je pense. Ouais. Ça. C'est juste un moment donné... Je sais pas, c'est comme il y a des sites web qui commencent à me taper ses nerfs avec leur critique de jeu parce que je trouve qu'ils overhype les affaires ou ils critiquent de quoi mais qui attendent pas de voir la longévité de... Tu peux trouver de quoi cool pendant une journée puis que le lendemain tu trouves ça dégueulasse, c'est juste qu'il n'y a pas de lasting appeal. Mais tu sais, comme spécialement IGN, tabarouette. Je peux. C'est sûr qu'ils sont pas payés par les compagnies, mais. Je te disais que ça fait des années que je suis pas allé sur IGN. Les critiques là qu'ils font là, start. Tabarouette. J'ai le temps là-dessus dans le temps. IGN. Hey, c'est 9.5, 9 sur 10 tout le temps. IGN, après ça, ça a été Kotaku. Puis là, à Star, j'ai comme plus de référence. Non plus. Kotaku me font chier avec leur design. Ah ben moi, de toute façon, à Star, quand je vais sur Kotaku, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils parlent. Les nouvelles sont mal. C'est de vous, on en parle, mais moi aussi, je comprends rien. Ça fait du tout fois qu'on en parle pour vrai? Ouais, on est pas. Si on est rendu à 11 épisodes puis on se répète déjà, là. ça va pas bien. Ah, mais tu sais, on est encore dans le coin de neuf, là. T'es-tu dans le coin de neuf? Ben, il me reste une affaire à dire que je suis en vacances. Ah, c'est-tu que t'es bien? Je suis en vacances. Chanceux. Ouais. Moi, il me reste une semaine. Puis après ça. Moi, je commence mon week-end. Ben, regarde, on va en profiter pour dire tout de suite que la semaine prochaine, t'es pas là, t'es en vacances. Tu t'en vas. Je pars vendredi. Dans les États. Ouais, je tombe vendredi. Oh, je m'en vais au New Hampshire. Je m'en vais à Hampton Beach. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Ah, OK. Mais c'est, donc, c'est une semaine de vacances qui me coûte pas cher parce Dave, que je connais quelqu'un qui habite là. Beach, c'est une beach tant que c'est pas celle-là au cas. Ouais. Dave, tu ne seras point l'épisode 12, mais n'ayez crainte. L'épisode 12 va être fait quand même. On va avoir Alex Galipo qui va venir te remplacer de à pied levé. Fait cool. Vu que c'est comme quasiment comme toi, lui, fait que ça va faire une bonne. OK, on est comme un. Là. Interchangeable. Aye. Ben, pas tout à fait. Je suis un petit peu plus devil, Alex. Il va être content que je dise ça. Là. Au bout de lui, encore une fois. Alex, le fils du diable. Il va pouvoir parler de sa flashlight. Il va être content. Ouais, mais je serai pas là, là pour. Ben, tu me donneras des notes. Je vais faire tes messages. Ben, sur ça, on devrait commencer. Vous Skype, esti. Hein, ben oui, ton téléphone, tu skyperas en direct. Ah, on va iFace le podcast. Fait qu'on commence tout ça. On commence. On start le show. Jazzy. Alors, on commence ça, ce petit jazzette-là. On y va-tu freestyle? On va y aller freestyle. Parce qu'on a-tu des sujets, sinon? Je sais pas, en plus, on enregistre devant un public présentement, fait que c'est un peu stressant. Je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Ah, ça, c'est pas bon. C'est une première, par exemple, ça. Un enregistrement devant un public. Ouais. Il y a gros deux spectateurs and a half, parce qu'il y a un chat aussi. Il y a le chat qui fait, genre. Bon, ouais, fait que... Bon. Fait que... De quoi qu'on parle? Hey, les vacances. En parlant de vacances, qu'est-ce que vous faites dans vos vacances, vous autres? Avez-vous des vacances, premièrement? Ouais, non. Ben oui, moi... T'as pas de vacances, Guillaume? Non, j'aurai pas de vacances en l'année prochaine, je pense. Ah non? Ah, mais parce que tu viens de changer de job? Ouais. Ouais, c'est ça. Merci de péter ma bulle. Faut que t'accumules tes vacances. Désolé, ben, je veux pas te faire chier, mais moi, je vais être en vacances, là, la semaine prochaine. Ouais, comme on a dit dans l'intro, tu t'en vas dans les je m'en vais dans les États-Unis. Je m'en vais dans les Hamptons. Les Hamptons. Dans les Hamptons. Dans les Hamptons. Nice. Ouais, Hampton Beach. Fait que finalement, on a rien à dire ces vacances. Ben, pas sur Hampton Beach. Non? Ben non, c'est cool, Hampton Beach. C'est une petite plage, là, le fun, là. Avec un petit boardwalk, le fun, puis des arcades, là, puis des casinos. Ah, oh, il y a des arcades là-bas. Puis de la bonne pizza, man. Ben, c'est mon commentaire. C'est la seule place qui reste des arcades, je pense. Hein? Ouais, mais tu sais, c'est genre un peu comme les arcades à Wonder... voyons, pas Wonderland, l'affaire de... À Niagara Falls. Niagara Falls, ouais, ouais, c'est ouais, ça. Okay, les même arcades à ticket. Où est-ce que tu gagnes des affaires? Ouais, c'est ça. Pour, tu dépenses t'échanges 80$, puis tu as un ourson en plus. C'est pas Niagara Falls, ouais. Juste pour aller aux arcades, t'es spécial. Le pire, c'est qu'on est resté là vraiment longtemps. On est resté là une demi-journée, je pense. Oh, j'espère que tu vas voir les chutes ou avant les arcades. Oh, ouais. Oh non, t'es allé aux... L'ordre, c'est arcade, bouffe, genre, puis après ça, les chutes. Ah non, t'as oublié, par exemple. Toujours aller au musée des records Guinness. Ouais, le musée des records de Guinness. C'est au Canada, ça? Oh, ouais, ouais. Il y a ça à Niagara Falls. Non, c'est cool, Niagara Falls. Ben... C'est comme tout le temps la même maudite test d'affaires. Là. Ouais, mais c'est cool pareil. Mais c'est le fun de temps c'est, en c'est temps. Comme les chutes, c'est hard. Mais moi, j'ai déjà utilisé pour exécuter du monde. Là, ça serait cool d'y aller en imperméable. Comme à la ronde. Et puis ça, il y a un employé qui est mort cette semaine à la ronde. Mon frère me dit que la tête du gars a explosé. Puis qu'il y a du monde qui attendait en ligne et a reçu plein de sang sur eux autres. Ah, c'était-tu le jeu des 40 bins 22? En avais-tu une que c'était une vraie dans toute la gang? Non, t'as pas entendu ça? Il y a un dude là. Je sais pas une nouvelle. Ah, mais il n'y a pas rapport là en plus. Ah, c'était pas un employé? Ouais, ouais, non, mais il travaillait là, mais c'était une zone sécurisée. Une zone sécurisée, il était comme ses rails ou je sais pas quoi, puis il s'est fait frapper par le train du vampire, puis comme je viens de dire, apparemment la tête aurait explosé. C'est clair, c'est sûr que c'est fait pogner à la tête, c'est sûr que ça a pété, man. À vitesse, ça rentre 80 km à peu près. Là. Fait qu'il y a du monde qui te rentre dans les oreilles, c'est sûr que ton cerveau va popper à quelque part. Fait que la ronde devront débourser un service de psychologue, j'imagine, pour tout le monde qui ont su le sang. Imagine ça. Là. Ben, t'imagines, t'es dans le train, toi. Ben, c'est ça, là. T'es comme, tu t'en viens. Ah, là, t'es comme. Le premier avant. Puis là, t'es comme, tu cries parce que t'as comme une dose d'adrénaline. Mais après ça, ça fait genre, PAC! Là, tu continues à crier, mais pas parce que t'as une dose d'adrénaline, parce que t'as peur, mais t'es comme, t'as du sang sur toi, mon gars, tu paniques, là, genre. Ouais, c'est ça, c'est comme. T'as plus le même feeling, là. T'es plus dans le même. T'imagines-tu la face de l'employé qui t'enlève les ceintures à la fin quand que le monde sont plein de sang pis tout, pis lui, c'est pas encore qu'un gars qui s'est fait frapper, genre. Le monde y arrive couvert de sang pis tout, il est comme what the fuck. Lui, ouais, il arrête le train, genre, comme au bout, là, il voit comme du sang, comme ah, pis là, il voit encore crier le monde, genre, là, comme. Mais c'est ça, ils ont dit qu'il n'y avait c'est pas d'outils. C'est sûr qu'il n'est pas fait parler de ça dans son training. Fait qu'il dit au monde merci, passez une bonne soirée. Super gêné. Là. Fait que la ronde traumatise du monde depuis 1968. Ben pas oui. Drôle, C'est une belle affaire, ça. C'est une belle anecdote. T'as gagné des affaires à la ronde, toi. Hein? Ouais, j'ai gagné. Dans leur plan de carrière, ça, à la ronde, ça. Je sais pas. J'espère que non. J'espère pas. Ouais, j'ai gagné deux. C'est des bonnes assurances. Deux passes saison à la ronde. Bon. Par Twitter. J'ai retweeté puis j'ai gagné. Là, ça donne-tu le goût d'aller faire le vampire, là? Si tu veux-tu faire ça, là? Ben oui. Ça a été. Je vais checker des spots de sang puis je vous en parle. Je l'appliquerai pas pour la ronde cette semaine. Attends, peut-être que ça passe, là. Non? Mais ouais, bon, je risque d'y aller cette semaine ou la semaine prochaine. Si une journée qui fait pas beau, j'ai pas le goût d'attendre, moi. Je suis rendu vieux. Là. Pensez-vous qu'en point de vue de compagnie, ils vont juste poster une nouvelle job, la ronde? Ou ils vont attendre qu'il y en ait besoin peut-être 5 que ça passe en dessous du tapis, genre? Ouais, mais tu sais. C'est quand même creepy, là, qu'une semaine après, il arrive posting one new job available. Technicien sur les rails, hey! Ben, on sait pas qu'est-ce qu'il faisait comme job. Avantages là, mais... sociaux et tout, genre. Puis là, tu vois, ils ont refait la page au complet. Il y a des fleurs et des bonhommes sourires et des plans de carrière incroyables, ce job-là. C'est pas correct. C'est propre. C'est pas propre. Fait que c'est ça. La ronde. C'est une activité à faire dans les vacances. Ouais, les vacances. C'est... Camping aussi. Ouais, camping. Aller dans le bois, s'occuper d'un feu pour absolument rien, puis dormir à terre. Nice. Ah, c'est cool de faire des feux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu fais des sons, tu checkes les étoiles, t'es bien pété, sur ça, bien relax. C'est une belle activité naturelle. Ouais. C'est pour se ressourcer avec la nature dans le bois. Se détendre. Le reste de la nature, en général, je trouve ça plate, mais des feux, je trouve ça vraiment relax ce soir. C'est comme ma partie préférée des campings. Ouais, ouais. Clairement. Là, tu sors les guimauves. Ouais, mais c'est ça qui est fou. Moi, j'aime même pas les guimauves. Quand le monde dit ça, puis ah, ils vont sortir les guimauves, on va faire comme d'habitude ça, des summers, c'est dégueulasse, moi. Non, mais le pire, c'est que, tu sais, des guimauves, là, c'est pas fou, là. Mais on dirait. Regarde de feu. Faut tout le temps j'en mange au moins une, là. Toi, Dave, t'es amateur de s'mores. Ah, les s'mores, c'est bon, en crisse, par exemple. D'ailleurs, sais-tu d'où vient le nom, s'mores? S'mores? Ouais. I want s'more? Exactement ça. Ouais. T'es informé? Chris, man. Ben, tu gâches mon pain. T'es comme sur un élan, t'as gâché ça. Ah, faut faire un podcast autour d'un feu. Ah ouais. Campfire podcast. Le stock qui oh, brûle. Je me suis frotté le pinch, ça a mousse, ça a fait un beau petit son. Ben coudon. J'ai rien pour suivre ça. Non. J'attendais tout le temps une petite réplique de Guillaume là. Que... Ouais, là. I got nothing. Non. Ok, fait que c'est ça. Fait qu'à part ça, les vacances. Je sais pas. Non? Aucune idée. Ah, c'est assez freestyle cette année. Comme le show présentement, d'ailleurs. Ouais, ouais. Aucun filon. Aucun. Ça, l'affaire, c'est comme je te dis, du camping. Je m'en vais au camping demain. Glissade d'eau. Ouais, bonne activité, glissade d'eau. Tout le temps le fun, glissade d'eau. Tout le temps cool. Pète à la face, de se faire meilleur, meilleur glissade d'eau. Saint-Sauveur, Québec. Ben, Saint-Sauveur. Calypso. Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Ben, j'ai pas essayé Calypso bon, encore. Bon. Mais Saint-Sauveur. Ça pour dépend. Une raison, c'est les... que les bassins, puis le Colorado, le rafting. C'est un bad bassin. Oh, ouais. Ouais, les c'est bassins. Tu passes tout le temps proche de mourir à chaque fois que tu vas dans les bassins. Les bassins, ouais. Si tu manques pas de te noyer dans les bassins, oh, une fois par jour, t'as pas une expérience cette saison complète. Là, c'est une clair. Fois parfois, je vais à Saint-Sauveur, il y a une fois que je vais descendre d'un bassin à l'autre, pas de trip. Ouais, c'est, ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Descends sur ma nuque. Mais dans le temps qu'on faisait de la lutte, à chaque année, on s'organisait une journée glissade d'eau avec toute une gang de lutteurs. Là. C'était pas beau, là. On était genre une vingtaine des de bassins, gars, puis on s'arrangeait pour être... Le lifeguard, il a sifflé une fois, alors ça, il a arrêté. Une fois? Une fois? Non, c'était toutes les descentes. Une fois, ouais. Man, une tout fois le temps. Dans la ligne avant d'embarquer, peut-être, là? Ouais, ouais. Ah, non, il y avait souvent du monde qui faisait des press slams dans la ligne. Il y a un gars, là, il a pas descendu sur sa trip aucun bassin quasiment du début jusqu'à la fin. Il avait tout le dos arraché. Il était tout pété, là. Ma blonde, elle s'est faite quasiment noyer, mon gars, parce qu'on était toute une gang de gars, puis à un moment donné, mon gars, il y en a un qui l'a ramassé, elle est tombée en dessous des tripes, mais là, on était comme toute la gang tout dans arrêté, un bassin. Ouais. Puis là, on se tenait tout après les cordes. Donc là, elle était pognée en dessous de la tripe, genre, puis elle capotait. Pendant de ça aussi, se tenait après les cordes, on se tenait tout, parce qu'il y avait comme des petites ouais, puis poignées. Là, ouais, puis on se tenait on tout ensemble. On faisait une chaîne de 20 personnes en descendant les bassins, on rentrait en crise, puis il arrêtait pas de nous siffler de ah, pas, ouais, faire pas faire ça. C'est hot quand la personne arrive pour descendre, là, puis tu fais juste ça tripe. Que la passe en trip pis tout ça. Regarde là, ouais. C'est écœurant de faire ça. Je fais ça au moins une fois par descente. Le plus hot, c'est de faire un inconnu. Ça, ou ben, tu sais, là, l'affaire, y a une affaire dans le fond et tout, que ça, c'est super plate le jour. Mais à partir du genre de 4 heures, l'affaire, là, qui tourne en rond, la manique. C'est juste des c'est trips, ça tourne bang. En rond, c'est un bang. C'est vraiment un. Wow, ouais. C'est super plate. Il y a des méga... relaxer, non, tu peux pas mais relaxer. À partir de 4 heures ou 4 heures et demie dans ce coin-là, ils partent les grosses vagues. Ouais, ouais. Qui montent jusqu'en haut. Puis là, quand tu y vas, les vagues, ils montent jusqu'au top de la patente. Ah, là. Ouais. Nous autres, on est des lutteurs, là, toute une petite gang de cons. Là. Là, on se ramasse un paquet, man. Puis là, on se place sur notre trip comme pour comme se mettre debout. Puis quand on est sur le à top genoux de... un peu, là, ouais, à genoux. Puis quand on est sur le top de la vague, on saute ses gants en bas, man. On fait des comme genre le crossbody sur le monde. Là, mon gars, on se pète la gueule, puis on... On se fait siffler. Hey, on se fait siffler, genre, arrêter. Ils sont écœurants, parce que quand tu y penses à la logique, là, c'est que c'est impossible pour eux autres de plonger et venir te toucher. Et c'est ça. Ils là. Peuvent ils pas. Juste siffler, genre. Nous autres, on perd nos trips. Même s'ils voudraient descendre, reste, c'est impossible. On reste là-dedans, là, comme à la fin, là. On fait juste rester là-dedans, puis on fait des tours sans arrêt, parce que t'es pas obligé de débarquer. Ouais. Tu peux rester juste ouais, là. Ouais, c'est ça. Après ça, on vomit. Puis là, on saute de... Hey, man, tout le long, on fait juste au, des... Au Texas, quand j'habitais là, il y en a... À San Antonio, quand tu continues à dedans, il y a une place que c'est comme les plus grosses glissades en Amérique du Nord, genre. Puis il y en a une place que c'est un gros, gros, gros cercle, mais c'est étendu sur quasiment un kilomètre quand tu contrôles toutes les choses. Mais les Américains sont tellement comme incroyables, eux autres, dans leur commitment de passer la journée là, qu'ils se pognent une trip, puis ils vendent... Ben, ils louent des trips avec un fond. Ouais, ils louent des trips avec un fond. Fait que dans le fond, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se mettent des couleurs de bière, des affaires de même, dans leur trip avec une corde, genre. Fait qu'ils font juste se coucher là, puis popper des bières, là, toute la journée. Ils font juste faire des tours, genre. Ils ont leur lunch dans le cooler, puis tout, puis ils bougent pas là de là. Ils débarquent, ils vont prendre une petite bouchée. Ouais, ils débarquent, ils ont des méga coups de soleil, genre, des méga tanning lines, là, ils sont dégueulasses, là. Tout est là, puis t'as dit, t'as revu le même gars 8 fois, genre, puis tout, t'as fait d'autres affaires, là. Mais t'as remarqué que ce gars-là est toujours là, puis il a un gros cooler, puis il a toujours une bière dans les mains, là, puis... Ils sont s'en vont là vraiment pour passer la journée là dans cette affaire-là. Ah, oh, ils restent là, là. Mais tu sais, Saint-Sauveur, wow. Je te dirais que c'est cool en gang. En plus que deux, mais à deux, Québec est le fun aussi parce qu'il y a des bonnes affaires à deux. Ouais, ouais. Québec, comme, Québec c'est mon second best, mettons. Tu sais, les trucs de donjon. Valcartier, peu, là. Ouais. Ouais, Valcartier, il y a des affaires vraiment cool. L'Amazon. L'Amazon, pis, c'est le fun. C'est le fun. C'est classique, l'Amazon, puis c'est tout le temps le fun. L'affaire, moi, j'essaie tout le temps de pogner. Tu sais, il y a des places où il y a des gisements d'eau ouais, en dessous ça, de ça. Ça lève. Mais ça arrive comme une fois de temps en temps. Moi, je m'arrange pour rester là comme super longtemps. Je nage vers là-bas. Puis il y a plein de monde qui passe à côté de moi. Ils sont comme, qu'est-ce qu'il fait? Je me tiens après les cordes. Là, à un moment donné, ça bouille en dessous de toi, puis là, c'est drôle. Puis là, tu fais brosser le cul, puis tu t'en vas. Ça a l'air. J'ai vraiment le goût d'y aller. Non, mais dis de même, c'est plate, là. Mais tu sais, c'est comme. On dirait. Je l'ai tellement fait souvent. C'est classique. J'habitais là quand j'étais jeune, fait que j'y allais. À la fin, ils ont des nouvelles affaires aussi, comme un genre de truc en 360 que tu tournes, puis tu rentres dans un petit tunnel dans le milieu. Ouais, genre, la comment le. Je sais pas, la dernière fois, je suis tombé sur la nuque, moi, là-dedans. C'était violent au bout, là. Oh, ouais. Je suis rentré dans le trou par la tête. C'était vraiment violent. Ouais, c'est pas payé ça. Moi, j'ai à Valcartier un moment donné. Je te dirais que Calypso, si c'était pas du nom, je serais comme un attrait d'aller voir que ça a l'air là-bas aussi. Ben, c'est. Ouais. C'est pas bien loin, je pense. C'est non, non. Point d'Ottawa. Ou... Ouais, c'est ça. C'est entre les deux. Là, comme. Ben, si, ouais. Si j'y vais, je vous en reparlerai. Je sais pas. C'est... J'ai entendu dire que c'était décevant. Ah ouais? Pour la distance que c'était. Mettons, de comme d'ici. Comparé à d'autres qu'on a. Quand t'as, genre, mettons, Saint-Sauveur proche, là. Ouais, ouais. Pis t'as OP le Super Aquaclub, pis Beaumont à Beaumont. Limite. J'ai jamais à Beaumont. Ouais, quand j'étais jeune avec l'école, genre. J'ai jamais allé, moi, à Beaumont, je sais pas. Ça... La seule ça affaire qui est. Il y a des glissades d'eau à Beaumont. Ouais, ouais. L'été. La seule affaire que je me rappelle que j'avais vraiment gros aimé à Beaumont, ah, oui, c'est vrai, les genres de buggés dans. Les genres de buggés, là, dans. Il y a ça dans le bois, là. Ouais, pis c'est même pas des glissades d'eau. C'est ça, pas des glissades d'eau, non, c'est ça. Mais il y a plein de monde qui se pétait la gueule là-dedans. Classique, dans le temps qu'on avait pas peur de se péter la gueule sur le ciment. Ben là, c'était pas sous le ciment, c'était dans le bois. Dans le bois, parlant de ciment, pas de ciment, mais de pétage de gueule. Tu sais, à Saint-Sauveur, là, la salle qui descend là, de même, là, mais qu'il y a une chapelure qui passe au-dessus. Une chapelure? Ouais, une chapelure d'eau. Ah. Ils l'ont enlevé avec l'âge, mais c'était là pendant tellement longtemps, mais il y a tellement de monde qui sont fait péter à gueule dessus qu'ils l'ont enlevé éventuellement. C'est comme. Ah, c'est ouais. Ah, il y a un mur. Ils disent de rester comme ça en tant que tel, j'arrête pas de pas y penser. Ils disent de rester comme ça en tant que tel, de coucher le dos parce qu'à la fin. Il y a un pipe de métal qui passe au-dessus. Fait que si t'es comme ça, hey, pow, tu le frappes à chaque fois. comme j'avais jamais remarqué. Hey, c'est hot en Christ, ça, comme... Ah, oh, il y en a une qui est pas pire à Québec, c'est l'Everest. Ah, oh, j'adore l'Everest. T'as-tu déjà fait? Je le fais tout le l'Everest, temps. L'Everest, là, c'est freakant, mon gars. C'est genre super haut. Puis quand t'arrives... Comme... C'est à pic, c'est quasiment à 90 degrés. Quand ouais, quand t'arrives au bout de la glissade, ouais. Tu vois pas où tu vas aller. Ouais. Tu vois pas comme où tu t'en vas. Fait que là, t'es comme... Calice, hey, moi j'étais allé une moment donné quand j'étais jeune avec moi puis deux de mes amis puis mon père. Puis comme quand mon père est arrivé sur le bord, genre là, tu sais, mon père là, il était comme ah ouais, on va faire l'Everest. Là. Fait que là, quand il est arrivé sur le bord, le gars il a dit allez-y, Là, mon père, il dit, allez-y, crie, je vois même pas où je m'en vais, là, c'est ici, là, tu sais. Puis là, il dit, non, non, allez-y, vous allez voir où vous en allez. Puis là, il s'est comme avancé pour voir où ce qui s'en allait. Puis il dit, quand tu vois où tu t'en vas... Tu veux plus y aller. Non, non, tu pars. Parce que t'es trop loin déjà. Il est trop tard. Ah, il est trop tard, t'es comme t'es parti. Puis là, ça descend, mon gars, là. À pic, man. Mais le problème de celle-là, c'est que t'as des boss là-dedans. Moi, je revole tout le temps. Bah, tout le monde lève d'un boss. C'est pour te ralentir en même temps un peu. C'est un peu violent, par exemple. Sinon, il faudrait en bas qu'il te fasse un esti d'affaires vraiment là, long. Je te dirais que c'est une trappe à maillot. Par exemple. Quoi? Une trappe à maillot, là. Quand tu perds ton maillot là-dedans. Il y en a une couple qui perdent leur maillot là-dedans. Comment ça? Mais t'arrives en bas, mon gars, si ça arrive. C'est le contraire, ça doit rentrer plus que perdre ton maillot, non? Ouais, mais ça dépend, tu sais, comme. Je dirais que pour une fille, perdre leur top pourrait comprendre. Je sais pas pour. Mais comme un gars, perdre son maillot. Ben, les gars, j'ai déjà vu un monsieur qui s'est comme levé carrément à pas de maillot. C'est tellement dos dans le maillot que tout détache, tout est comme tout en. Je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais une fille, ouais, les filles vont perdre leur top, genre. Non, ça, c'est compréhensible, un minimum. Ou tu tiens dans le même. Ouais, c'est ça. Ah, mais t'es placé de même aussi en descendant. Ouais, sauf qu'à un moment donné, ça se peut que tu perdes. T'es placé de même, mais ça va tellement vite. Ça se peut qu'à un moment donné, ça fasse ça de même. Là, je fais un mime, genre, comment. En audio, ça marche pas. Mais coudonc. Mais je te dirais que la seule autre comme glissade d'eau de ce type-là est vraiment folle, celle-là. C'est dans les tops que j'ai vu pour le degré là, de ouais. descente. Là. La plus folle autre que j'ai vue, c'était à Disney, c'était à Blizzard Beach. Ok, ouais, ouais, ouais. C'est je pense que tu recules quasiment en descendant de ma tapis. C'est comme tu tombes quasiment par en avant. Genre. Ah, et puis je m'étais scrappé le dos dans cette belle glissade. Il y avait comme un genre de vis qui dépassait dans le matériau. Là. Ah, ben c'est pas désagréable. C'est le fun, tu sors de là, tout le dos arraché. C'est hey, merci beaucoup. Ah, ben. Après avoir tendu une belle expérience. Expérience complète. Complète, complète. Comme on le disait tantôt. Hein. Mais je suis retourné après ça, puis c'était une toute autre expérience. Ouais? Ouais, j'ai pas joué bien. Tu t'es pas scrappé le dos. Non, puis il y avait personne. T'as pris l'autre glissade. Il faisait comme zéro le matin, cette journée-là, en Floride. T'es allé dans des glissades d'eau à zéro. Moi, mon frère, on était mauve tellement qu'il faisait frais. J'imagine. Ah, moi j'aurais ben trop à chaîne, je te dis. Moi les affaires la même là, de hauteur, là. Ouf, oublie ça. C'est pour ça que je vois pas à ronde. Non, c'est pas des manèges, toi à ronde, des grosses affaires. Ah, moi je suis allé dans le monde une couple de fois, puis le clic au début, c'était assez pour me faire chier dans mes choses. C'est-tu l'année passée qu'on est allé à ronde, puis que le manège, justement, le monstre a fait genre clic, puis qu'on est comme arrêté. Ça m'est déjà arrivé, moi. On était comme resté en haut, mais tu sais, vraiment longtemps. Non, c'est pas l'année passée, ça fait une couple d'années, là. Ouais. Mais ouais, on était vraiment resté là comme. Ah, ça, moi, ça me fait capoter. Puis là, ça bougeait comme pu. Puis là, ils ont dit comme. Veuillez pas débarquer. Veuillez ne pas débarquer et patienter. Ben ouais, t'es beau des yeux. Là, ils savent qu'il y a un fuck, là. Tu sais, c'est comme. Qu'est-ce que tu veux que je passe, là? Je t'approche. Là, tu te dis, tu sais, faut pas que ça parte reculons, là. Parce que tu il me semble que t'es pas bien, là. En parlant de reculons, une des plus cool que j'ai faites, c'est que moi, j'ai peur des vertiges. Mais je sais pas. Comme je suis pas pissou, je vais en faire des manèges. Mais moi, je sais que j'ai peur des hauteurs. Fait que moi, c'est pas faire le monstre le problème, puis je le fais le monstre. Parce que je trouve ça cool quand ça descend. Ouais. Moi, c'est quand ça monte. C'est le stress quand ça monte. Le stress quand ça va être stallé. Parce que moi, honnêtement, je voulais pas monter dans un manège avec moi. Moi, ça jam. Moi, je sais pas ce que je fais. Ah, ben, le pire, c'est on s'entendrait bien parce que moi, je suis allé au Six Flags à Houston. Puis le. Je sais pas comment ils l'appellent à Montréal, ici. Là. C'est la tour qui fait ça. Là. Ah, le. Ah. Mais à Montréal, mon ami m'a dit qu'elle bouge plus, là, mais là-bas, c'était super haut, mais elle fait juste monter comme le monstre. Clac, clac, clac, clac, clac, clac. Ça ouais. drop. Ouais, ça, c'est le dungeon drop. Ça te monte jusqu'en haut, puis ça te laisse là pendant, je dirais, une minute de temps pour vraiment le suspense. Puis à un moment donné, t'entends juste clac, clac. Puis là, ça te drop. C'est juste une grosse drop. Moi, ça a monté, puis j'ai resté là 45 minutes. Arrête d'en ouais. Ça c'est long, barbe. Oh là. Boy. Ça c'est fucking long. J'ai là. Juste été chanceux. Là, que drop random. Nous autres, c'était peut-être genre 5-10 minutes. Là. Ben moi, c'était 45 minutes. Puis là, c'est sûr que c'est pas normal après 20 minutes que t'es là. Puis là, à un moment donné, ça continue à monter. Puis là, tu pars, genre, c'est quoi? Non, j'étais rendu au top. Non, c'est la supposé de nous dropper pour y aller, mais là, les freins, ils marchaient pas pour nous arrêter en bas. La fois qu'il jump dans les airs, là. Mais c'est ça qu'il dit. Il dit qu'eux autres, ça levait, ça jump pas, ils vont te monter. Ils vont te dropper. Ils vont te dropper. C'est une drop. C'est pas ça, c'est une drop. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ça, il l'avait, je pense, à Canada Wonderland, une affaire dans le même genre. Ouais, ouais, mais ça, c'est l'orbite, c'est exactement ça. Sauf qu'eux autres. Moi, j'étais arrivé au bout. Mais à la fin, comme ils t'ont tué. Rien qui arrivait. Ils ont descendu. Ils ont descendu de même. OK. 45 minutes plus tard. T'imagines-tu après 45 minutes? T'as jamais droppé, dans le fond. J'ai jamais techniquement fait. T'es sorti après ça comme fuck off, moi je m'en vais. Là, je suis sorti avec, là, on s'en va du site. Là. T'as-tu vomi en bas? Non, je suis allé au McDo. Il fallait que je mange mes émotions un peu. Hey, imagine ça, t'es en haut 45 minutes, puis ils finissent par te dropper sans t'avertir. La pire, c'est que j'étais chanceux, parce que vu que j'avais le vertige, c'est comme la pire situation qui peut m'arriver, tu sais, les pieds dans le vide, t'es là avec une gang d'étrangers, là, tu sais, on s'entend? Ouais. Mais tu sais, c'était comme, genre, tout le monde se parlait, parce que dans le fond, tout le monde est aussi stressé, tu sais, quand t'es stressé, des fois, genre, le monde, c'est comme, la langue se dérouille un peu plus vite, parce que t'as rien d'autre à faire, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu parles au monde, pis tout, moi, j'avais pogné une gang de monde qui sont vraiment à l'aise d'être jamais dans un manège, pis tout, tu s'en foutais, pis craquais des jokes, pis tout, pis ça passait vite, là, 45 minutes. Mon père m'envoyait chier en bas pour me faire rire. Dis, hey! Laurent? Va chier, non, c'est mon vrai père. Nous autres, on s'en va manger de la crème glacée. Bye, la cave! Je suis là, je suis comme. Ciao. C'est comme ceux qui m'entendent. Ils crachent dessus en bas. Sont-ils allés pour vrai? Bah, je pense que ouais. Ils ne sont pas restés en bas à m'attendre. Je me dis, à un moment donné, on va le voir de loin quand ils vont descendre. Parce qu'on le voit, on voit le manège de partout sur le terrain. T'avais quel âge? 15 ans? Ouais, tu vas être bien, mais. Ouais, tabarouette, non, moi j'haïssais ça, être en haut de ça. Des beaux souvenirs de vacances. Mais après ça, quand tu parlais d'aller de reculons, j'étais allé à un autre manège après, ça c'était vraiment cool. C'était une track qui fait comme, imaginez comme un demi-lune, mais comme que le bas de la lune est long, genre sur un quarter de mile, genre. Fait que okay, ça fait ouais. Ça comme ça. Ouais. Toi, tu commences dans le milieu, puis quand ça part. Ça te swing d'un bord puis de l'autre, genre. C'est ça, mais ça part. Pow! De même super vite. Ah, genre, j'ai déjà fait de quoi dans ce genre-là? Quasiment comme un punch, là. Mais il y a pas de quoi à rendre, c'est ça? Une affaire dans le comme même genre. Comme ta tête, au début, ta tête va faire clac de même, là, dès que ça va partir ouais, vite. Tu montes comme de même, parce que ça va de dos. Les deux rails de sont coupés. Comme ça. Comme ça, c'est peut-être à Canada Wonderland. Si tu te mets le premier banc en avant ou le dernier banc en arrière, quand t'arrives d'un côté comme ça, puis t'es le premier banc, vu que les rails sont coupés, tu penses vraiment que tu t'en vas hors du rail. OK. Ah! Fait que si tu vois, t'arrêtes, là, tu comme. Tu le sais qu'il n'y a plus de rail, là, tu le vois. Là, tu vois, ça redescend. Tu te rappelles-tu, man, à Canada Wonderland, le truc qu'on avait fait que c'était sur le film là, Italian Job avec les Mini Cooper. Ah, oh, c'était hot, ça. Hey, man, ça, là, t'étais assis là, dans ton. Dans une genre de Mini Tout Cooper. Tout le monde avait comme une genre de Mini Cooper. Là. Okay. T'étais comme assis dedans, puis c'était comme un chariot. Là. Ouais. Je pense qu'on était peut-être quoi, 4 par 4, probablement 2-2. Là. Ouais, 2-2, genre un dans un petit normal, chariot, là. Mettons. Okay. Puis quand tu partais, là, c'est comme tu partais. Bang! Wow. Bang! D'une shot, man. Puis là. Pfff. Tu t'en allais. Hey, c'était fou, mon gars. Ah oh, ouais. Oh, ouais. Juste c'est... le départ, c'est comme. C'est Canada oh! Wonderland? Ouais. C'était pas bien ça, Canada Wonderland. Ouais. Ben, c'est le temps bon. Ils ont vraiment des bons manèges. On a fait l'affaire de Top Gun. Ah, ça, c'est un classique. Fly me to the danger. Fallait vous jouer en volleyball, pas de t-shirt. Exactement. Oui. Ok. Il y avait l'affaire de Tomb Raider et tout, là. Qu'on ouais. était comme sur le ventre. Là, c'était bizarre un peu. Ah ouais, je m'en rappelle pas de ça. On était comme sur le ventre, puis on descendait. Genre, ouais, on était comme chacun dans une affaire. Là. Le film était bizarre aussi. Ouais, hein? C'est ça. Les films étaient bizarres aussi. Ah, c'est bon ça, c'était aussi bizarre que le film. Il y avait un manège dans les montagnes aussi, genre le roller coaster dans les montagnes. Hein? Ouais, il y a comme un genre de fausse montagne. Oui, oui, oui, là, oui, oui. Parce oui, que le monde, oui, ils font bizarre, des sauts ça. de... T'sais, chaque paire d'attractions a son spectacle de saut, de plongeon acrobatique. Dans une petite piscine qui a presque pas d'eau. Une piscine de 2 mètres par 2 mètres. Ouais, c'est ça. Tu te dis que c'est sûr qu'ils ont pogné le fond. Là. Il y a toujours des accidents, hein, tu penses, dans ces spectacles-là. Je le sais pas. Quelqu'un qui est tombé sur le ciment. Ouais, mais c'est comme le casino de Montréal. Là, il te dit jamais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de chiffre pour ça, sinon le monde n'irait pas. Là. C'est ce bon point. Casino, il y a une monde qui c'est probablement une trentaine qui sont suicidés hier, mais tu verras pas ça dans le journal de Montréal. Là. Ben là, c'est sûr. Là. Ils vont le commanditer à la place. Mais là, si on parle de manège, faut que je dise le manège top numéro 1 que j'ai jamais fait, c'est le X. T'es-tu en train de me dire, toi, qu'à peu près, excusez-moi, tant de minutes, là, je sais ouais, pas comment quelques... ça fait tant. Quelques minutes qu'on parle de manège, tu te dis, ah, tant qu'à parler de manège, ben, tu viens de te rendre compte qu'on parlait de manège. Ben oui. Asti. Ben, c'est parce que c'est tellement freestyle. Fait une demi-heure là, qu'on parle de ça. Là. Le X. Le X. En Californie. Là. Oui. T'as fait ça, toi? Ouais, je suis allé, c'est au Six Flags à Los Angeles, dans ce coin-là. Là. Ouais. Dans le désert, là où le monde vomisse dans la ligne avant de rentrer dans le parc d'attractions le matin. Tellement qu'il fait chaud. Hein. Pour vrai? Ouais. Il y a un petit jeune à côté de moi qui a vomi dans la ligne, dans la ligne d'attente. T'es juste malade? Non, il a vraiment vomi. Je comprends qu'il mais je veux dire, il était bien malade. Ça, en après ça, quand tu vomis, t'es malade. Ouais, ça c'est ça. Moi, j'étais là. Ok, ce parc d'attractions est intense. C'était boulimique. Ah, ben là. Ouais, mais c'est pas une expression de dire ah, j'ai été malade. J'ai vomi. Je sais pas. Moi, des fois, je vais vomir. Ma journée est top shape. Je commence mes journées en faisant ça, des fois. Guillaume qui. Prendre un gros déjeuner, on me sentait mal, on va aller vomir. Non, non, c'est parce qu'il y a des bouts, tu sais, comme moi, c'est quand que tu pognes trop de café, là, ta barouette, ça sort vite. Back then. Back then? Oh, mais c'était pas sain non plus nos déjeuners. Là. Faut ben d'arriver ouais. à la job à 7h15. Aller au Nichols. Ah, le déjeuner Nichols, classique. On allait dans le parc pendant 20 minutes. On est au Nichols. Puis après ça, on allait au Nichols manger un huge déjeuner, puis on venait s'asseoir pendant 6 heures de temps. Là. C'est correct, le gouvernement nous payait. Ben ouais. Ben ouais, ça, le X en Californie, Six Flags, là. Oui. T'es comme tout seul, c'est comme la track est à côté de toi. T'es soit à gauche ou à droite, fait que t'es comme sur un, dans une rail tout seul, là. OK. Assis dans le vide. Puis la rail, oui, elle peut faire les 360 sur elle-même. OK. Puis à un moment donné, la première drop, ça descend à 4 heures. Ben, pas tout à fait, là. Ben ouais, t'as les jambes qui sont dans le vide, ouais. Puis, Tu l'as fait? J'ai fait une version de ça, moi, ça s'appelait Serial Thriller, mais c'est pas mal. La première drop, ils descendent en 90, tête par en bas, vers le sol, mais tu vois pas la rail parce que la rail est à côté de toi. C'est comme si tu descendais et tu te crashais tête première, puis ils te ramènent en te faisant une loop. Fait que tu fais comme un 360, mais en passant à, genre, à ça du sol, à peut-être à coupe de pied du sol. Là. Wow! C'est crazy. Et d'un top 10, je pense. T'espères que ça va flipper, là. Wow! Parce que oui. Sinon, là... C'est là qu'ils prennent la photo, puis je vous la montrerai tantôt, je l'ai peut-être quelque part, là. C'est épouvantable, ma face. On dirait que mes yeux vont me sortir, puis que je t'arrête de faire un arrêt cardiaque, là. C'est plus de l'adrénaline, là. C'est comme, t'as peur. C'est même plus drôle, là. T'as peur de mourir, là. C'est comme, ah! Vous faites des drops d'avion, des affaires de bungee? Bungee, j'ai jamais fait ça. Non. Saut en parachute, non. Parachute, moi, je veux en faire. Mais je m'en vais faire. Je suis posé d'aller faire cet été du genre. Tu sais, l'affaire en dedans, là. Ah, l'affaire à l'école à Guillaume Lévitier. Genre. Ouais. Ouais. L'aéroplanage, là. Hein, ouais, c'est comme une grosse fan qui te pousse, là. Ah, ok, ouais, ouais. Ouais, les gars de la NASA, dans le fond, qui ont sorti ça. Ça se peut. Ouais. Mais c'est une grosse fan qui te pousse, là, puis là, tu fais du ouais, pour t'établir antigravité. Ouais, ça a été inventé par la NASA pour que les astronautes s'habituent à bouger dans l'espace. Là. C'est une popée simulation. Là. Ben, ça, c'est comme du parachute, là, carrément. Là. Ouais. C'est comme tu fais juste flotter. Mais si tu y penses, je sais pas, toi et Sonia, là, à faire du saut en parachute, moi, je connais une couple de personnes qui l'ont fait, puis je pense qu'il n'y a pas une. Non, il n'y a pas une de ces personnes-là qui m'a dit que c'était comme pas un regret, contrairement à qu'eux autres, ils le feraient deux, trois fois. Là. Ah, mais non, mais moi, je veux le faire. C'est fou. Moi j'ai trop vertige. Moi, c'est ça, je veux le faire. Je sais que j'aurais pas le gars de le faire. Moi, je le ferais en esti. Bon, je voyais l'aller ensemble. Je me pissais dessus, mais je le ferais. Ah, moi. Juste avant de sauter. Là. Ah non, moi, c'est le moment avant de sauter, t'es comme. Oh, ou dans l'avion. La première fois, t'as un gars strappé sur toi, néanmoins. Ouais, c'est ça. Ça, au moins, c'est l'affaire que tu te dis. Là, ouais, mais pareil que c'est cool, pareil, parce que ces instructeurs-là sont super bien entraînés, puis nice, là, puis le trois quarts du temps, ils sont en train de te parler dans l'oreille, mais comme un de mes amis disait, tu l'entends pas. Là. Tu t'entends. Ouais, c'est ça. comme dans America Funniest Video, tu perds ton ventier en parachute. Le clip qui passe à chaque année tout le temps dans le store. Mais une affaire qu'un des gars qui m'a dit qu'il regrettait, payer l'extra pour la vidéo. Ah ouais? Il me l'a dit, on sait que c'est... Il dit, moi, quand je l'ai payé, je trouvais ça cher, là, 300 ou 400 piastres. Oh, là, ils arrivent et ils disent, c'est 150, 200 piastres pour la vidéo. Mais il dit, là, après 10 ans que je l'ai fait, j'aimerais ça voir la vidéo. Ouais. Fait qu'ils disent, tant qu'à payer ça, payez-les. Pour... Parce que c'est quelqu'un qui va sauter GoPro à côté de vous autres avec une vidéo pour vous filmer toute la drop. Ben oui, tu te strappes la GoPro. Ça doit... non, le vent... Attends, c'est quoi? Ils ont la ventouse que t'as pour le char de la GoPro, là, y a-t-il une limite de vitesse que tu peux aller avec? Tu peux pas la ventouser nulle part. Ouais, faudrait que tu aies une strap sur ton casque ou quelque chose. Ou... Ouais, tu faudrait que t'aies le harnais ou tu le mets là, mais tu vois juste comme qu'est-ce qui tombe. Sinon, tu te le mets après le poignet, mais t'es de même. Ah, ben t'es de même, ça marcherait peut-être. Tu l'aurais là. Sauf que c'est caméra comme ça. Comme, c'est à part, mon gars. Là. Ce qu'il nous fait présentement. Là. Tu t'en mets sur un ou l'autre, là, mais comme disait, la drop, ils se font à côté de toi, puis ils te filment au complet. Ouais, c'est ça. Faut vraiment comme ta face tout le long. Là. Puis il dit, c'est une minute, mais une ça minute fou, qui ah, passe vraiment longtemps dans ta tête. Là. Sûrement. Hein. C'est clair, man. Ça doit être vraiment trippant, mais le bungee, là. Ouh, ça, je capoterais. Ah non, mais j'ai comme pas ça, confiance moi, ouais. Ça me fait chier. J'ai plus confiance à pas avoir de corde qu'en avoir une. Je sais pas. Tant qu'à ça, je ferais du saut, là, tu sais, comme, mettons, ils font, tu vois souvent ça, des base vidéos jumping dans le sud, là. Non. Ah, tu sais, des vidéos dans le sud, tu vois, ils jump d'une haute falaise dans l'eau, là. Ah ouais. Ça, je le ferais. Ah, ben ça, je l'ai fait. Ça, tu l'as fait? J'ai fait, c'était où, combien? Moi, c'était pas d'une... Oui, techniquement, n'importe quel bord, c'est une falaise, je dirais, mais moi, c'était un trou. Ouais, c'est correct. Mais assez haut, mais ça, c'est avec... spécial. C'est avec combien de haut? Faudrait que je demande, mais quelque chose comme 100 mètres au minimum, là, le premier que j'ai fait. Là. Oh, shit. Mon frère aussi l'a fait une en 100 voyage, mètres, c'est cool. Il s'est fendu le pied avec l'impact de l'eau. Faites deux dans le même week-end. Ah ouais? Parce qu'on est allé, ça, je vous le recommande, allé au Mexique, pogner la ride de 4x4, là, de 4 roues, là. Mais celle que vous emmenez dans la jungle. Fait que là, ils vont te ramener dans jungle forêt, là. Puis nous autres, il y avait plus un peu avant, comme dans la semaine. Fait qu'il y avait vraiment bien de la boîte. Fait que de la sludge. Fait que quand tu faisais ça, c'était tout dégueulasse. Fait qu'ils t'amènent dans des places d'eau pure, là. Ouais. Puis avec des cavernes, qui a des chauves-souris en dessous. Mais les cavernes, tu peux descendre l'échelle. Puis là, ils ont des bateaux soufflants dans les cavernes sur l'eau. Tu peux te promener avec des rames, ce qui est cool. Ou ils t'amènent à une place que c'est carrément un trou dans le ground, autour des roches. Puis tu sacs là-dedans pour descendre dans la caverne. Tu l'as fait, ça? Ouais. C'est ça? C'est de quoi? Quand la photo de ma face, là, en plein milieu, tu te dirais pas que c'est hot. Mais je me rappelle la première fois, je l'ai fait, j'ai regardé. Là, ça l'a pris, mon demi-frère l'a fait pour une fois. J'ai fait, t'es-tu mort? Non! Ok, je m'en viens. Là, je l'ai fait. Mais c'est cool, parce que après ça, j'ai vu mon père, comme là, j'ai... quand t'es dans la grotte, là, tu manges que l'eau est frette. Là, dans la grotte, elle est vraiment frette. Fait que là, je marche, je nage, je m'en vais vers le bateau. Tu vois, mon père suit après ça. Fait que tout ce que tu vois quand t'es dans le bateau, dans la grotte, c'est que tu vois vraiment juste un trou. Tu vois juste quelqu'un sortir. Ah, nice, c'est bien hard, ça. Ouais, il y en a un autre que c'était plateforme. Le 100 mètres, je pense que c'était ça. Là. T'avais trois plateformes. Moi, j'ai dit, on va aller au plus haut. Puis je te niaise pas, j'ai enlevé puis remis mes sandales trois fois. Comme je suis arrivé sur le bord, ok, c'est facile. On enlève mes sandales, m'en va vraiment sur le bord. Ok, fuck that. Bon, on va mettre mes sandales, m'en va. Parce que je reviens, ok, attends, c'est pas super. M'en va là, je regarde encore, j'enlève mes sandales. Là, genre, t'es malade, là, je reviens. Puis la troisième fois après, là, après, je dis, ok, là, sérieux, là, dis, vas-tu pour vrai? Puis là, je suis comme, j'ai enlevé mes sandales, mais dans la même seconde, je me suis pitché. Parce que j'ai dit, si je regarde en bas, puis j'y pense, je n'irai jamais, puis je me suis juste pitché d'une shot. Puis là, t'essaies de te concentrer vraiment pour rentrer de même, là, non plus, là, tu veux pas avoir un flat, là. C'est si bon, non, tu dois fesser pas à peu près. Les flats en hauteur, c'est pas le fun, je peux vous en parler. Tu veux pas sauter trop loin non plus, de péter la maroulette sur une roche non plus. T'es un pro du flat en hauteur. C'est ça que j'ai probablement le record à Pointe-Calumet pour le plus gros flat sur la corde à Tarzan. C'était épouvantable. Ah ouais? Tu sais, c'est comme, c'est une corde que tu te swings puis tu te lâches. Ouais. Moi, je voulais faire mon frais, j'ai fait un, dans le jargon de la lutte, on appelle ça un shooting star press. Ok, ouais. Ouais. Mais j'ai pas tombé sur mes pieds, je suis resté comme flat, comme si je tombais sur un gars, mettons. Sur le ventre? Ouais. Fait que j'ai landé, je suis tombé flat dans l'eau, ça a fait POW! Puis mon frère tout était là, puis il me dit ventre, que tout là. Le monde a fait comme OH! Hey, avec la vélocité, mon j'étais gars. J'étais rouge là. Après ça partout. Rouge, même tu devais tellement faire mal. Tu devais être pourpre. Fait que leçon, si vous faites un shooting star press, tombez sur vos pieds dans l'eau, s'il vous plaît. Asti. Ouais, sautez pas les jambes écartées. Faites pas shooting star press dans l'eau, point. Ben, tombe debout. Attends, j'ai des souvenirs de toi qui essaie de faire les shooting star press dans une piscine creusée pis que tu passais proche du bord en Moses. Hein. Ou j'arrivais de l'autre bord. Des patis aussi, il passait proche. Ouais, lui, il s'est fendu la tête. Ouais, oui. As-tu vu la vidéo de ça? Non. C'est violent, là. T'as vu une vidéo de ouais, ça? Ouais, j'ai vu une vidéo de... Il se pète comme le top de la tête sur le bord du... C'était carrément, moi, j'avais tellement pas à faire de ce gars-là. Ah, il commençait par McDo. Il mange McDo tout le temps. Eh ouais. Ah, c'est santé, là. C'est pour ça qu'il est bon. On allait dire à des enfants de manger du McDo, ça rock. Hey, tu manges du McDo, ça va pouvoir plonger. Moi, je trouve ça malsain que McDo commandite les Olympiques. Wow. Bon. C'est un peu bizarre, tu sais. Garde. Ben, c'est pas l'affaire la paix que présentement qui se passe, là, mais... Ah, garde. C'est encore plus bizarre qu'il y a une ferme, Ronald, mais il n'y a pas vraiment techniquement un animal sur la ferme. C'est juste toutes des affaires qui ressemblent à des animaux. C'est vraiment pour te mettre la parabole que du McDo, ça ressemble à de la bouffe. Ça y ressemble. Ah, sérieusement, c'est quoi l'affaire mauve? Les amis de Ronald, là, c'est quoi la bébête mauve? La grosse douceur. Grosse douceur, ouais. Quoi? Ça a un nom, mais ça? Ouais, grosse douceur. C'est grosse douceur. Je sais pas c'est quoi en anglais, là. La grosse patente mauve. La genre de grosse poire mauve avec deux yeux, là. C'est grosse douceur, ça. Dans don't fond, know là. Your facts. Pardon. Dans le grosse fond. Douceur. Dans le fond, c'est une genre de grosse aubergine. Ça sent de ouf. C'est qui a décidé de traduire? Il y a des noms sur cette affaire-là. Genre grosse douceur. Hey, j'ai quasiment goût d'aller voir sur l'ordi. Ouais, quoi? C'est quoi le nom de la bébite en anglais? Grosse douceur. Grosse douceur. Non, mais c'est quoi une grosse douceur? Genre, je comprends pas, genre. C'est un gros bandit. Quand il y en a un qui vole des hamburgers, ça je l'ai compris, genre, parce qu'il y a un masque, puis il a l'air d'un bandit. C'est mais... genre le gros bébé qui vient de violer, ça, genre, le gros, il vient de faire une grosse douceur, puis. C'est comme ça, n'a aucun sens. Il est mort, il vient de faire une grosse douceur. Grosse douceur. Hey, je pense qu'il va falloir changer mon nom sur Poker Star. Tu vas t'appeler grosse douceur. Plus choix. C'est excellent, ça, man. J'ai changé mon nom sur Twitter. Grosse douceur. Aïe, aïe. Grosse douceur. Toi, tu le sais, le nom, là. On est genre 5, là, ici, là. Mais toi, tu sais le nom. Moi aussi? McDo depuis depuis que je suis jeune. Tu savais pas les noms, genre? Ben, McDo depuis que je suis jeune, hein, qu'est-ce que tu veux? C'était dans les apps, dans les Joyeux Festin, là, il y avait tout un... Grosse douceur! Tu prenais ça fait grosse douceur, là. Dave, t'as rien cherché le nom? J'essaie de trouver, là. Cherche, hop, la GoPro vient d'arrêter. Tweet donc avec ton nom, la jasette, demande donc à du monde qui écoute, genre, c'est supposé être quoi, les bibittes avec le Ronald McDonald? Ben là, faudrait qu'on s'en parle pendant qu'on fait ça. Ok, McDonald Land was a fantasy world used in the marketing for McDonald's restaurant. It was based on the total concept. C'est Wiki, grosse douceur. Sid N. Character. Ok, man. Dave est sur la piste de grosse douceur en anglais. Ça va être écrit en anglais, fat softy. Je peux pas croire qu'on est en train de faire du temps sur grosse douceur, là. Fat softy. Ok, il y a Sunday. Fat softy. T'as Ronald McDonald, t'as Sunday. Sunday. Ça, c'est son chien. Ronald's Dog. Il y avait un chien. Il apparaît dans. Attends, là, man, c'est quoi? Grimace. Ah, man, Grimace is a large purple character who was first introduced in November 1971. Ils ont pas traduit Grimace en français. C'est déjà un mot francophone. Grimace. Je sais même pas comment le dire en anglais. Grimace. Il y a grosse douceur en français. Grimace. Non, attends, ça peut pas être grimace. On l'appelait grosse douceur. Hey, man, c'est... Après... c'est aussi ah, oui, oui, il y avait Hamburglar. Ben ouais. Le voleur, là, celui-là qui était... Il volait des Krusty Burgers. Cassez-le. Oh mon Dieu, il a au moins le tué. Celui-là qui avait son saut rayé, là. Au moins, il le tue, là. Ah, il y avait Birdie, the early bird. Il y avait un oiseau. Quoi? Fried Kids. Fried Kids, c'est le gars qui travaille là. Oh man, wow! Mayor McCheese. Ouais, ça je le savais, là. C'est le cheeseburger avec un chapeau. Hein. Ça serait mon nom de porn star, ça, je pense. Ah, carré! Ouais. Imagine ça comme nom de porn star. Ouais, quand tu vas dans les McDo, là. Ouais, t'avais un jeu, c'était ça. C'était sa gueule avec justement genre des. Les jeux d'un ah, ça c'est Officer Big Mac. Officer Big Mac. Ok, sérieux. On dirait vraiment un nasty porn dans une prison. Genre. Officer Big Mac. Mayor McCheese. Ah, lui, il est pas propre. Genre, il est plein spagma, là. What's your name, boy? Mayor McCheese. Bitch. Don't fuck with me. I'm gonna call Grimace over. C'est une belle dérape, ça. On parlait de vacances, là? Ouais. Comment qu'on en est venu avec grosse douceur? Puis... Je m'en souviens plus, mais... Hey, on a perdu le filon pour vrai. Mais ouais, hey, j'aimerais ça faire un autre segment, par exemple, avant. Ouais? Si l'on dort, c'est une petite bonne conversation. Pendant qu'on a Guillaume, là. Ouais, oui. J'aimerais ça qu'il nous parle de Batman. Batman? Parce que tu m'as parlé tantôt, Court of the Owls. On fait une petite pause et on revient avec là-dessus. Batman. All right. Fait que Guillaume, t'as une anecdote sur le système... Une anecdote, on start ça avec oui. Le système américain d'éducation. Ouais, mais tu sais, au Québec, on sait en tant que Québécois qu'on est plus intelligent que les Américains. C'est pas un fait caché. C'est... Même les Américains, ils savent. Là. Mais moi, je sais pourquoi. Parce que quand je suis allé habiter là-bas, quand j'avais 15 ans, ça fait longtemps, je suis allé dans le système américain d'école. Puis je sais pas si c'est par État que c'est régi ou par comme fédéral, mais en tout cas, au Texas, là. Ça prend 70% pour passer comparé à notre 60% ici. Fait que tu sais, la première affaire que tu penses, c'est « Wow! » Ils doivent vraiment être forts à l'école des Américains pour passer. Fait que là, moi je prends mon premier cours, puis tu sais, c'est des classes un peu divisées comme en 16 périodes, je pense, comme on a au secondaire. Fait que ça, c'est bien normal. Fait que je vais dans ma première période, c'est sciences physiques avancées. Je m'en vais là, puis elle nous explique le programme. Puis la semaine d'après, on a commencé à apprendre nos mélanges de couleurs avec nos doigts, puis on faisait de la peinture avec des doigts. Pour apprendre les couleurs. J'étais en secondaire 4. Les couleurs primaires. Ouais. Comme si tu prends ton jaune, puis tu mets ça avec ça, mais ça va faire ça. Avec nos doigts. OK, fait que ton jaune puis ton bleu va te faire ton un, vert. Numéro 1, c'était une école de riche qui avait pas assez de budget pour me donner des pinceaux. Numéro 2, fallait qu'on apprenne really, les mélanges de couleurs. T'as-tu passé? J'ai passé à 71. Mais ça prenait pas 75, tu disais? Non, il y a 70. Non, c'est 70 pour 70, passer. Okay. Fait que j'étais fort. C'est... Après ça, le nouveau projet, après ça qu'on a eu à faire dans ce même cours de sciences physiques-là, ben, ils nous ont fait prendre des bouteilles d'eau puis construire des voitures avec des élastiques qu'on peut crinquer par en arrière puis ça part par en avant. F- Fait que moi, j'ai fait ce projet-là en arrivant à la maison. Mon père dit, qu'est-ce que tu fais? Des devoirs. Fait que je suis allé prendre des, les CD de démo qui venaient avec le premier PlayStation. Ouais. Ben moi, j'ai pris ça, puis ça a fait mes deux roues de char. J'ai mis un crayon dans le milieu, genre, puis j'ai mis un clou dedans, puis j'ai mis ça, puis ça a fait mon char. Ça m'a pris 5 minutes. Pis ça, c'était mon projet de 3 semaines. As-tu passé? Ouais, mon char a battu tous les autres chars. Là. Parce que moi, j'étais plus hot. Là. Moi, j'ai mis de la colle sur l'élastique, puis prendre tout le CD. Comme ça, ben plus de grip. Moi, mon char, il décollait, là. Moi, je niaisais pas avec les constructions de char dans des bouteilles d'eau Naya, là. Wow! C'était un bolide. Hey, ils sont bons à l'école? Oui. Ils ont des hauts standards. Ils sont perspicaces. Ben, c'est le fun. Il y avait les nouvelles le matin parce qu'ils ont un circuit fermé, puis il y a des TV dans toutes les classes. Fait que, tu sais, il y a quand même des écoles qui ont du budget. Fait qu'ils nous passent les nouvelles. Puis les nouvelles, ça se résume à c'est qui est hot dans les sports, dans l'école. Ah, ok, fait que l'équipe de football a gagné. Ouais, ce gars-là a fait tant de touchdowns. Yeah, ce gars-là a fait la passe. Bouh! Pis c'est pas mal ça, genre. Puis après ça, c'est dégueulasse. Tout le monde, on se lève. C'est on dit allô au drapeau des États-Unis. Et après ça, on dit allô au drapeau du Texas. Puis là, l'école commence. Wow. Ça, c'est ta première période? Ça, c'est les 15 premières minutes de la journée. C'est une prière, tant qu'à ça? Non. Mais c'est honnêtement, tant qu'à moi, quand tu dis allô, quand tu forces du monde à faire allô à un certain drapeau, c'est quasiment une prière. Là. C'est pas parce que t'appelles pas ça une religion non, c'est que ça. C'est pas une prière. Là. Aïe, aïe, ben c'est bien bizarre. Ah, c'est. Ils ont un système bizarre. Dans mon cours d'histoire, je me suis fait expulser, mais finalement, ils m'ont ramené dans la classe après parce que le prof était complètement insane. Il faisait la liste. On était dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est plus loin dans l'année. Là. Puis, il listait la liste des pays au complet qui était juste d'une manière ou d'une autre. Comment dire en français? Impliqué dans la guerre en tant que tel. Mais dans toute la liste au complet, le Canada n'était pas là. Comme le Canada n'est pas allé à la Deuxième Guerre mondiale selon les Américains. Fait que moi, j'ai levé ma main. C'est pas une blague. Je te niaise même pas. Là. Je suis stone cold sérieux. Là. Je dis, c'est pas une exagération. Je te le dis. Là. J'ai levé ma main. Puis j'étais très poli. J'étais gêné. Parce que je sais, je suis pas dans mon univers. Je suis le seul Québécois là. T'sais. Fait que t'sais, pour moi qui dis quoi, faut qu'il y ait un problème en partant. T'sais. Fait que je dis... I think there's a mistake in the book. Puis là, elle me regarde comme vraiment offusqué, comme c'est qui, lui ici qui est là depuis 4 mois, qui va me dire qu'il y a un mistake dans mon livre. Ça. OK, what's the mistake? Ben, pourquoi Canada n'est pas dans la liste? Canada est pas mal allé dans n'importe quelle guerre que vous nous avez traîné. Fait que là, elle la regarde, en anglais, elle me dit, silly boy, Canada never went to war. Mais moi, je le sais, comme ma mère, elle a des oncles qui sont morts à la guerre. Genre, c'est comme on n'invente pas qu'on va à la guerre juste pour non, dire non, qu'on est allé à la guerre. Là. Et non, c'est clair. Comme ouais. Les Nations Unies, c'est de quoi qu'il y a plusieurs pays, dont le Canada, dedans. Puis, comme toutes les guerres que les États-Unis sont allés dedans, ils sont toujours venus cogner à notre porte pour qu'on y aille avec eux autres. Je pense que c'était la Deuxième Guerre mondiale. En plus, il y avait comme des francophones qui étaient allés à la guerre. Puis ça a l'air qu'ils étaient comme reconnus pour être genre comme vraiment weird, là, comme sadique, puis genre super intense. Puis. Ben, en tout cas, là, aux États-Unis, comme... eux autres, c'est juste fait eux autres. Oui, il y a eu des Canadiens, là. Voyons donc, oui, sont perdus. Si vous connaissez votre histoire, puis j'espère que je ne me trompe pas là-dessus pour les historiens qui nous écoutent. Mais. On sait qu'on est très. Les États-Unis ne sont pas allés à la guerre avant 7 ans avant que la guerre soit commencée. Ils ont attendu 7 ans avant de s'impliquer dans la guerre. Ouais. Mais dans leur livre d'histoire, quand eux autres vont en guerre, le titre du paragraphe, c'est Here comes the United States to save the day. Ouais. ça c'est leur version d'eux autres que le monde était en péril et tout, fait que eux autres ils ont décidé bon on va aller sauver la planète, fait qu'ils sont allés nuquer les Japonais puis quand que tout le monde avait plus d'argent puis plus d'armes parce qu'ils ont fait la guerre pendant 7 ans puis qu'eux autres ils faisaient on va attendre, ça va se calmer hein, ça va se calmer. Mais ben non, c'était après les Japonais à sunké je pense 3 sous-marins puis qu'ils avaient vraiment fait Pearl Harbor, ben là, les Américains ont fait bon ben là on va faire de quoi. Boum, on envoie une bombe. Et ouais, puis après ça, ils ont fait un bon film. Mais les Américains, demandez-vous pas pourquoi ils sont full of shit. Là. C'est leur système au complet qui est brainwashed. On va pas sur le film Pearl Harbor. Ben ouais, non. Seule bonne scène, c'est la scène de bombardement. À part de ça, tu crisses le DVD dans les poubelles. Ah, seule bonne scène, c'est Cuba Gooding Jr. qui se fait donner une shot à la gueule dans le ring. Il joue la dedans. Docteur pourri. Eh ben. Hey, ton prénom, c'est le nom d'un pays. Y'a-tu quelqu'un qui l'a réalisé, ça? C'est moi qui est fou aussi. Eh ouais, c'est vrai. Un petit peu de cela aussi. Mais de Cuba, on passe à Batman. On m'a appelé Canada Jones. Canada Jones? Ça va être mon nom Hollywood, ça, la guerre des acteurs. Canada Jones in Dawson's Creek. Cuba et Gooding Jr. viens-tu de Cuba? Je sais pas. Je pense pas, man. Fait que, Guillaume, t'as lu Court of the Owls de Batman? Oui. Scott Snyder et puis Samuel ouais. Bond. Son vilain, c'est hibou, là. Ouais. Ah oh non, mais c'était fou, par exemple. C'était toute une lecture. Scott Snyder, comme écrivain, il est fou. Il a une vision préétablie. Puis là, je suis très excité en plus parce que non seulement Court of the Owls, c'était excellent, mais là, ils ont annoncé qu'ils ramènent le Joker dans l'univers des New 52. Oh, nice. Puis que cette fois-là, il dit que cette histoire-là va redéfinir. Ça va aller comme un grand classique d'histoire de Joker. Fait que ça, je suis bien excité. Oh! Même moi, ça m'intéresse. Le Joker, la dernière fois qu'il a été vu, c'était dans la série Detective Comics que j'ai chez nous. Puis ça finissait que la dernière fois que tu le vois, me semble, c'est qu'il demande au Dollmaker d'y arracher sa face. Fait que la dernière fois qu'il trouve, c'est quand il escape, c'est que la face du Joker est sur le mur. Mais le Joker est comme... Il est lousse, mais il a plus de visage. C'est comme Face Off? Ouais, exactement. Wow. Fait qu'ils savent pas où, ils savent pas quoi. Fait que c'est sûr que ça va être intéressant. Mais là, on a le gros punch. Bruce Wayne a un frère. Yeah. Ah oh, ouais. Puis il s'appelle comment? Puis c'était Nathan Wayne? Attends. Tu vois, en plus, ça, je l'ai dit que j'étais pas sûr que je voulais en parler parce que je l'ai lu juste une fois. Mais c'est pas grave, moi, c'est juste de justement de savoir le punch. Comme ouais, ça. Moi, j'ai tout le temps la bonne question par rapport. C'est quoi son nom? Mais non, peut-être Lyndon en plus. Lyndon. On s'excuse pour les fans de BD. Bon, son nom, c'est un Wayne, là. Ça, c'est sûr qu'à quelque part dans... Non, fait que c'est ça. Fait que les parents de Bruce Wayne avaient eu un enfant qui finalement était un peu crazy. Fait qu'ils l'ont mis dans un genre d'asile. Puis, par de quoi que vous allez vous rendre compte en lisant, je vais pas vous donner toutes les punches. Ouais, ouais. Mais il se rend compte que lui, il a été comme un peu élevé par le Court of Owls comme une figure publique pour mettre comme une façade pour prétendre qu'eux autres n'existent pas. Puis que dans le fond, la Court of Owls contrôle Gotham depuis extrêmement longtemps. Mm-hmm. Fait que c'était très cool de le voir comme toute l'histoire de Batman là-dedans. Pendant un mois d'ici, on fait l'event Night of the Owls. Ouais. C'est quand le Court of Owls attaque pas mal, comme il donne une liste de personnes importantes dans Gotham qui run la ville dans le fond. Puis comme tout le monde se fait assassiner dans un soir. Fait que t'as comme toutes les BD de monde dans Gotham qui se défendent contre les assassins. Fait que c'est quand même très intéressant. Nice. Fait que je vous recommande. Sérieusement, la série de Batman, moi je vous le dis, depuis le début des New 52, n'importe quoi qui est relié à Batman, you can't go wrong. Moi j'ai lu Detective Comics. J'ai lu Batman, j'ai lu Red Hood and the Outlaws, j'ai lu un peu de Batwoman, j'ai lu un peu de Catwoman. Puis honnêtement, toutes les séries dans leur propre histoire. Nightwing, excellente série. Que ouais, t'apprends justement que Nightwing, lui, son cirque, où ce qu'il a grandi avec ses parents, ben c'était une façade pour entraîner des assassins. Puis que si ses parents n'auraient pas été morts, puis Bruce Wayne ne l'aurait pas recruté, mais que lui aurait fini comme assassin pour la Court of Owls. Puis lui, il était supposé être la nouvelle génération. Mais ça, c'était pas l'histoire de Robin dans justement un des Batman. Mais c'est ça, des c'est ça que je dis. Il prend des affaires, des éléments établis. Dick, je sais pas quoi. Là, c'est ça, Dick Grayson. Il prend des éléments déjà établis dans la mythologie de Batman, puis fait juste les pousser plus loin. Non, ouais. Fait qu'en voulant dire que si. Ok, mais Nightwing, c'est Robin. Ouais. Nightwing, comme Robin, la manière que regarde, on le met de même. Quand Batman recrutait le premier, de Robin, c'est Dick Grayson, le boy du cirque, là. Oh, ouais. Là, lui, à un moment donné, est devenu un peu plus vieux. Fait qu'il est devenu sa propre identité. Fait qu'il était Nightwing. Okay. Fait que là, quand il est devenu Nightwing, Bruce Wayne, plus tard, il a pogné un kid à voler un pneu sur la Batmobile. Fait qu'il trouvait que le kid était un minimum intelligent pour être capable de faire ça. Fait qu'il l'a recruté en tant que Robin. Mais le kid, il avait comme un caractère un peu, je dirais, enragé, genre. Tu sais, fait que c'était pas un bon Robin en tant que tel. Okay, c'est pour ça qu'il se fait tuer par le Joker aussi. Ok. Ok. Puis. C'est bon, cette série-là, dans le fond. Ouais. Puis après Batman, ça, c'est généralement, c'est bon. Quoi. Batman, honnêtement, c'est une des meilleures séries les plus constantes en tant que tel. Si tu veux de quoi de plus. Pas nécessairement adulte en tant que tel, parce que les Batman des années 70, c'est corny. Là. Bon, mais il y en a des très bonnes. Faut que tu pognes du monde, tu sais, qui. qui dit comme les écrivains en tant que tels qui font la différence. Deep, Grant là. Morrison capable de sortir un très bon Batman story. T'en as de ça, toi? Ouais, Jeff Loeb, The Long Halloween, un excellent Batman story. The Killing Joke que JF a ici, un excellent Batman story. Le Batman, exemple, que d'après moi, va avoir beaucoup d'éléments du prochain film dedans. Celui avec Bane, Nightfall. Ouais. Ça, j'ai trois livres, trois volumes de ça chez nous. C'est un excellent story. Puis ça a été écrit là, vraiment longtemps en plus. Hein. Non, Batman en général, c'est bon. Je veux dire, Daniel 52 en plus, le Batman and Robin est très très bon aussi présent. Batman, Batman and Robin, The Flash, t'es cœur. Ah hein, oh, ouais, Flash est très très bon. Vraiment. Dans le DC, là, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec leur reboot. Y a ben moi, j'aime juste pas leur nouveau logo. Green Lantern est bon aussi. Ouais, mais logo sous logo, là, tu sais. Ouais, je sais bien. Green Lantern, c'est excellent. Geoff Jones, excellent écrivain. Toujours très bon, ouais. Non, j'ai vraiment hâte, là. Ouais. Je dirais que côté Marvel, j'ai pas grand chose que. Ouais, Marvel, c'est, je sais pas, c'est que. Je lis les Amazing. Ils ont des séries différentes, mais que c'est plus. C'est moins porté sur l'action, plus sur le blabla. Ils essaient plus de faire du character development, mais je trouve que c'est des hit and miss, là. Comme la série de Iron Man de Matt Fraction, supposément qui est très populaire. Moi, je l'ai pas lu personnellement. Fait que je suis pas là, une bonne personne pour répondre ça. Mais moi, à date, je trouve que DC, c'est vraiment, vraiment top, là. Hulk, c'est pas pire. Ben, le nouveau, moi j'aime bien le nouveau The Incredible Hulk. Fait que ça c'est un des bons de Marvel. Genre. Banner pis Hulk sont deux personnes séparées. Là. Ouais, moi je suis toujours fan du Hulk, là, no matter où. C'est qui l'écrit, là. C'est juste un personnage cool. Hulk. Ouais, Hulk est juste trop frais. Ouais. Mais ça, ils l'ont comme rebooté, ils ont reparti une série sur The Incredible Hulk tout seul. Ouais. Pis c'était Hulk pis Banner séparément. Ah oh, ouais. Qui se battent. C'est assez bizarre au début quand tu lis ça, mais c'est. Okay, ouais. Ben, je vais revenir par exemple juste pour pas offenser du monde en Derek, parce que pas je mente non plus. Sur iPhone, je suis en train de lire la série de Jonathan Hickman des Fantastic Four. Ouais. Depuis. Je vais vous dire ça, donnez-moi une seconde. Ouais, des statistiques précises. Oh, ouais, on va avoir des dates. Non, c'est pas pour les dates, ouais, mais comme moi j'ai les méthodes ici. Là, non, ouais. Bien, depuis tel numéro. Là, je suis rendu à FF3, ce qui est le 589. J'ai commencé à les lire depuis Fantastic Four avant le 570, comme le à partir du Dark Reign. J'ai lu toutes les Fantastic Four issues depuis. Ok. Puis Jonathan Hickman, c'est un autre grand écrivain. Comme Fantastic Four, ça m'a jamais intéressé vraiment avant parce que ils ont tellement été là longtemps que tant qu'à moi, il y a pas grand histoire que tu peux faire avec eux autres qui n'ont pas été déjà faites, mais waouh. Ah ouais. Ah oh ouais, des affaires comme. Il y a un console de Reed Richards. Comme Reed Richards, le père de Fantastic Four, a créé une portal pour aller dans un autre univers, puis découvre que. Parce que Reed Richards, dans Marvel Universe, c'est la personne qui disent la plus intelligente, là. Puis que lui, pour résoudre tous les problèmes du monde, mais lui, dans tous les univers, ont créé le même portal, fait qu'ils sont tous rencontrés, fait qu'il y a un conseil de lui-même, mais comme réplique x10 de plein d'univers, puis eux autres essaient de résoudre les problèmes de tous les univers ensemble. C'est vraiment fucké. Faut vraiment que tu le lis. C'est extrêmement dur à parler. C'est la même série qui ont tué le Human Torch. Ah oh, ouais. Puis qu'ils l'ont ramené. Ouais, c'est excellent. Wow. C'est vraiment cool. Cool. Bonne petite discussion de BD. Là, BD, BD. Ouais, c'est très vague, mais moi je vous dirais, comme pour le monde qui sont pas encore essayés d'en lire, là, faut vraiment juste l'essayer, c'est l'adopter. Là, bon, ouais. Embarquer, ouais. Les misconceptions que le monde y a, que les BD soient pour des geeks ou que c'est corny ou que c'est pour les enfants. Ah non, c'est ça. Il y en a que c'est corny, il y en a que c'est pour les enfants. C'est la même affaire qu'à regarder la télé. Faut ouais, juste que tu écoutes le programme que toi ça te tente d'écouter. La ouais, même affaire ça. Pour des BD, c'est comme ouais. Un livre. Exactement. Faut que tu trouves ton style. C'est ça. Moi, et j'aime ouais. Batman. T'as bien du monde qui n'aimeront pas Batman, mais peut-être qu'ils vont aimer Animal Man, que je vois toujours qu'il y a des critiques de 9 sur 10. Là. Moi, personnellement, c'est pas quoi qui me fait triper, mais il y en a pour tous les goûts. Là. C'est ça. Faut que tu trouves ce que t'aimes. Ben, de BD, passons au hockey, Dave, 2 secondes. Ouais. Martin nous a sorti une petite chanson cette semaine. Dans l'esprit de notre jazzette hockey. Ouais, qui s'en vient, qui va être probablement le thème musical, puis il nous a donné l'autorisation de la jouer. Ouais, ouais, on a. Martin, qu'on répète que si vous le contactez, DMV0480 sur Twitter, obtenez 10% de rabais. Mentionnez la jazzette. Sur des thèmes musicaux. Custom made. Je dis ça de même. Je sais même pas s'il fait des. S'il veut faire des contrats. Ben pourquoi pas. On t'annonce ça, Mart. S'il y en a qui veulent des tunes, on a des contrats pour toi. Ok, on écoute ça puis on close le show. Okay. C'est tout pour l'épisode numéro 11 de La Jazette, propulsé par Yank Media. Un épisode assez... décousu. Assez, random total. Ah, mais c'est ça La Jazette, là. Oh, hey, ouais. On jase, là, garde. Hein? C'était allé de toutes les bords, de tous les côtés. Ben oui, fait qu'on... On rappelle que la semaine prochaine, tu ne seras point présent à l'épisode numéro 12. Eh non. Remplacé par Alexandre Galipeau. Bon. Qui, le pied ferme, sale. Va te remplacer. Le pied ferme. Ouais, on espère que ça va donner un bon show. Ouais. C'est pas mal certain. J'ai hâte de voir, ça va être drôle en crise. Ouais, on check ça, là. On checkera ça. On en jasera. OK, merci Guillaume d'avoir été là. Ça fait plaisir. Toujours très bon invité. Ben ouais. C'était cool. Ouais. Do it again. T'aimes-tu bien notre nouveau studio ici? On est mieux placé qu'avant, là. Ben ouais. Ça a de l'air pro. Le monde qui ne voit pas en ligne, là, des strippers qui dansent autour de nous, c'est incroyable. Oh, ouais. Guillaume, qu'on peut accepter notre invitation si vous voulez voir nos strippers. Ouais. On a du monde qui ont accepté de venir être invité aujourd'hui sur notre divan à regarder ce qu'on faisait live. Ouais. C'était un peu bizarre, ça n'a pas duré longtemps, une chance. Ouais, on a eu un petit malaise. Je pense que c'est venu avec grosse douceur, c'est ça. Un gros douceur, c'est quand c'est assez, on s'en va perdre notre temps. On a parlé de grosse douceur, puis après ça, les fans sont partis. En terminant, vous vous souvenez quand j'ai dit que je voulais qu'il kill Alfred? Ouais. Scott Niner m'a pas répondu, mais Alfred Pennyworth m'a rajouté dans sa liste de Twitter. C'est quand même n'importe quoi qu'il y a un gars qui s'est créé un compte de Alfred, puis il tweet des affaires de Alfred, mais lui, ça, il tentait de me suivre à cause de ça. Wow. Ben justement, Guillaume, qu'on peut suivre sur Twitter, sur @Ecclesio. Ecclesio. Oui, ouais. Devenez mon 33e. Nice. Patrick Roister. Ah ben, merci David. Merci, écoute, merci. Bonne vacances. Ben, merci toi aussi, tu es en vacances live. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est lousse, là, on fait ça, là, un petit podcast. Là. Ouais, Loose Lewis. Profitez-en bien. Puis, ouais. On aura Martin Coudon pour revenir. Ça sera un épisode de souvenirs de vacances. Là, Chose. On pourra faire un petit épisode viré Boston. Ouais. Un petit segment viré Boston. Exactement ça. Oh, alors David, qu'on peut suivre sur Twitter. Sur Twitter. Mr. Miniweed. MR_Miniweed. Ouais. Si vous le suivez la semaine prochaine, vous allez vous ramasser à Hampton Beach. Hey, je pense pas que la chance de rentrer dans la valise du char pour Hampton Beach. Si j'ai un accès à Wi-Fi, moi, tweeter comme là, mais j'ai pas un forfait qui va me permettre de tweeter à l'étranger. Ben, écoute, et moi, qu'on peut retrouver également sur Twitter à JF Cromp. Ben, crime. Je suis en vacances, ça se peut que je tweet, ça se peut que je tweet pas pendant tout. Un peu de tweet ou pas de tweet pendant tout. Ben, c'est ça. Ben, regarde, ça sera ce que ça sera. Eh oui, c'était Jean-François Cromp. David Thibodeau. Pour La Jazette. Merci, bonsoir. Salut tout le monde. Bye.